La radiodiffusion française présente, dans une production de Léon Ruth à bureau fermé, le plus grand succès de l'année 1914, « Je ne trompe pas mon mari » de Georges Feydeau et René Péter. Nous sommes encore au Théâtre de l'Athénée, d'où, voici 6 ans déjà, en 1909, nous avons retransmis Arsène Lupin. Cette fois, c'est une œuvre du célèbre auteur comique Georges Feydeau qui tient l'affiche. Nous allons assister à la 176e représentation. Nous sommes en plein été et malgré une chaleur caniculaire et une tension internationale qui compromet la paix en Europe, la salle est comble. À l'autre bout du boulevard, un music-hall est lui aussi demeuré ouvert, l'Eldorado. J'y suis allé hier applaudir Bach, le populaire Tourlourou, qui lance là une nouvelle chanson que la foule reprend en chœur, la Madelon. Elle fera sûrement la joie des ateliers pendant tout l'hiver prochain et elle est déjà la scie du jour et la rengaine des rues. Je m'excuse de ce petit bavardage, mais j'étais un peu en avance. Vous allez donc entendre messieurs Lucien Rosimbert, Paul Ardot, Casalis et mesdames Betty Dosmont, Lucille Nobert et Alice Nori, ou bien messieurs Daniel de Courtois, Jean Meyer, Jacques Charon et mesdames Jeanne Marquen, Yvonne Godot et Barbara Lage à votre guise. Le rideau se lève sur le parc d'un hôtel dont on aperçoit la façade à gauche. À droite, un tennis dont le treillis borde la Seine. Celle-ci est vide. Seul un garçon époussette machinalement les tables et les chaises du jardin. Oh, j'en ai ma claque. Tenez la mise, débarrassez-moi de ce panier à provisions. Oui, monsieur Godache. Oh, bah, monsieur Godache a plutôt chaud. Oh, je suis, mon ami, je suis. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça que le marché est en plein soleil. Et nous avons 36 salons. Oh, quel été, c'est à crever, on se demande quand il pleuvra. Avec ça, je me suis pressé, j'avais peur d'être pas là pour l'arrivée de la gare. Monsieur n'avait donc pas sa montre. Oh, si, seulement je n'avais pas l'heure. J'ai une montre excellente, mais qui a des fantaisies. Ah? Elle ne varie pas d'une demi-minute par jour, mais par moment, elle s'arrête pendant une heure et puis elle repart. Très bien. Ah, oui, ça m'étonne pas. Ouais. J'ai eu une cousine qui était comme ça. Elle avait des syncopes, et puis une fois que c'était passé. C'est très bien. Oui. Eh ben voilà, voilà, c'est comme ma montre. Allons, venez, venez. Oui, venez. Voilà. Allez, allez, allez. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Sophie qui secoue ses tapis par la fenêtre. Eh ben, faites donc attention, Sophie. Oh, mais c'est insupportable. Mais ça la rend pas plus agréable pour ça si j'étais tombé sur un client. Oh, mais c'est charmant pour moi, ça. J'ai les clients, j'ai les ombrelles. Bonjour, monsieur Godache. Bonjour, madame et monsieur Giclefort. Monsieur Godache, nous ne déjeunerons pas à l'hôtel ce matin. Madame nous fait des infidélités. Oh, ce n'est pas moi. Quand il y a une infidélité, c'est toujours madame. Mais enfin, comme c'est avec moi, n'est-ce pas, madame? Oui, ma chérie. Nous déjeunons à la Roche-Mabelle. Ah, vous déjeunerez bien mal. Oui, mais il y a le point de vue. Bah oui, mais ça ne se mange pas. Eh ben, heureusement, il n'en resterait plus. Oh, et qu'il est si seul. Et on parle de compagnie. Alors vous allez déjeuner à la Roche-Mabelle? Ben oui, pour une fois. Ben drôle d'idée, quand chez moi on peut. Mais au fait, vous êtes à la pension ici, vous n'êtes pas à la carte. Ah non. Oh, ben c'est bon, alors ça va bien. Vous savez, je dis qu'on mange mal à la Roche-Mabelle, après tout, j'en sais rien. Et puis enfin, nous sommes en partie fine, est-ce qu'on mange un porte? Voilà, comme ça, amoureux. Eh oui. Ah, le fait, c'est l'effet des auditifs. Si c'est l'effet des auditifs. Mais vraiment, il y a des gens. Ah, je suis en voix, oui. Je suis en voix. Allons donc. Eh oui, dis donc, non, raconte un peu cette nuit. Oui, tu n'as pas honte à notre âge. Eh ben quoi, à notre âge. Nous avons 66 printemps, mais c'est toujours des printemps. Ah, non. Et quand je dis 66 printemps, j'en ai que 65. C'est madame Giclefort qui est l'aînée. Moi, je suis le gigolo. Alors, c'est un gigolo, tu as ton chat. Oui, j'ai mon chat, oui. Je suis gigolo. L'omnibus de l'hôtel. L'ami, Potinet. Voilà. L'omnibus, mon garçon. Eh oui, monsieur, je l'avais entendu. Alors, viens, Potinet. Bonjour, monsieur. C'est madame Plantaret qui m'envoie chercher une gaze de soie ponceau qu'elle a laissée dans sa chambre. Une gaze de soie? Oui, vous savez qu'elle se met autour du cou. Oui. Enfin, la bonne sera. Oui. Sophie! Sophie, voyez donc une soie de gaz. Non, une gaz de soie. Enfin, un cache-nez à madame Plantaret dans sa chambre. Ponceau. Oui. Oh, s'il vous plaît. Oh, merci. Oh, de rien. De rien. Oui, dis-moi. Bonjour, Pierre. Bonjour, mademoiselle. La balle, là. Ah, pardon. S'il vous plaît. Voilà. Merci. De rien. Quelle est cette jeune fille? C'est une cocotte. Ah. Déléguée par le gouvernement pour le séjour du tas de Perse. Oh. Yeah. Quoi, Sophie? Qu'est-ce que c'est, Ponceau? Oh hein? Mais Ponceau! Il vous a fallu tout ce temps-là pour le demander? Qu'est-ce que dans mes souvenirs? Mais Ponto, c'est violet. Ah non, Ponto, c'est rougeâtre. C'est ta prune. Eh ben, si vous voulez, enfin, prune à monsieur, mais prune à monsieur pas tout à fait mûre. Oui, enfin, à vous pour pas lui. Voilà, dans les grenats. Enfin, Ponto, quoi. Ah. Je vous demande pardon, voici les voyageurs. Non, mais faites donc, messieurs, faites donc. Mesdames, messieurs. Messieurs, dames, messieurs, descendent. Bon rechif. Parfaitement. Vous savez, par le 15 ou le 19, c'est monsieur et madame qui envoient un grand lit ou à deux lits. Deux lits, nous sommes mariés. Très bien. Le 14 pour monsieur et madame. Et monsieur et madame, un grand lit ou deux lits. Oh, mais je ne connais pas monsieur. Oh, pardon. Je crois que monsieur et madame étaient ensemble. Hein? Non, pas encore. Oh, comment pas encore? En attendant, deux chambres séparées. Bien, le 9 et le 11. Mais on se touche. Oh, les chambres. Oui, on se touche. Mais il y a un verrou de chaque côté. Mais les dames veulent bien inscrire leur nom, profession et adresse sur le registre. Dites donc, c'est pas pour dire, mais elle y met le temps, votre bonne. Mais bien, Sophie, voyons. Sophie. Oh, je cherche. Oh, les papiers. Oh, il y a pas de mal à ton temps, ça fait du bien. Oui, mais ça ne m'étonnerait pas que nous ayons de la rage. Bon, après, tout à l'heure, ça ne serait pas un mal. Dites-y, messieurs, dames veulent venir visiter leur chambre. Mais non, c'est pas ça, c'est une écharpe verte, ça. Mais non, pas vers ponceau, vers aigre, vers pomme. Oh, bah qu'est-ce que vous voulez? Allez, jetez, tant pis. Je dirais qu'on a trouvé que ça. Bah, jetez. Maladroite, va. Quand tu dis qu'on ne jette pas les choses par la fenêtre. Par ici, rattrapez les chars. Vous voyez, rattrapez les chars. Je vous demande pardon, monsieur. Mais faites donc. Oh, excusez-moi, je cours après une gaz de soie qui file sur la grande route. Mais courez, mon ami, courez. Merci, pardon. C'est un nouveau sport, sans doute. Quoi donc, monsieur? La course à la gaz de soie. Ah, je ne sais pas, monsieur. Monsieur arrive de la gare. Oui, mon ami. Monsieur vient pour loger à l'hôtel. Oui, j'ai préféré venir à pied, mais l'omnibus a dû apporter mes bagages. Ah bon, monsieur les trouvera dans le hall. Ah. Le patron va venir tout à l'heure. Ah. Non, les jeux qu'on joue ici, c'est le golf, le tennis. Oh, ça, c'est une balle de tennis. Oui, ah oui, mais je constate. C'est bien ma veine, il y a une balle dans l'air, elle est pour moi. Excusez-moi, madame, sur moi. Bichon. Oh zut. C'est pas terrible qu'on puisse pas descendre dans un trou perdu sans trouver les gens de connaissance. Juste ce que je pensais. C'est pas rigolo. Et par quel hasard êtes-vous ici? Oh, ben je t'ai pas dit. C'est vrai, ça, je t'ai pas vu depuis. Ah, mais c'est toi. Madame. Ah bon? Ah, mais je me rappelais plus. Je suis plus avec Bouti, non? Allons donc. Je l'ai plaqué. Pourquoi? Parce qu'il m'a fichu à la porte. Non. À cause du coiffeur. Ah. C'est pourtant pas ma faute. C'est lui qui l'avait choisi le coiffeur, parce qu'il coiffait sa mère. Alors? Bah oui, ça ne lui a pas plu. Il a trouvé qu'un coiffeur pour... Oui, enfin, il était très snob, tu sais. Il y a des Voilà. Oh, on va se voir un peu, hein. Certainement. Puisqu'on s'en retrouve là tous les deux. Oh, le ciel fait drôlement les choses. J'ai eu un béguin pour toi, François, tu sais. Quand je pense qu'il n'y a jamais rien eu entre nous. Non, bah, tu n'aurais pas voulu. Pourquoi? Boutineau était mon ami. Ah bah, c'était aussi le mien, quoi. Non, mais c'est vrai. Eh ben, t'es le seul de ses amis qui n'a pas essayé. C'est bien, Bichon, voyons. Oh, ben oui, mon vieux, je vois bien. Oh là là. Enfin, on va réparer, hein. J'ai toutes mes journées libres. Ah, et les nuits? Ah, sans prise. Oui, je suis affectée au chat. Et comment dis-tu ça? Le chat de Perse. Ah. Je suis ici pour lui. Oui, mon cher, j'ai l'air de rien comme ça, et ben, je suis favori. Pour 21 jours, en temps de la cure. Ah, c'est... Ça s'est fait par voie diplomatique. Ah. Le consul s'est adressé aux affaires étrangères, s'est adressé à l'intérieur, qui a délégué quelqu'un de la préfecture auprès de chez Maxime, et c'est moi qui ai été choisie entre toutes comme la plus jeune, la plus jolie, et puis parce que j'avais pas l'air d'une grue. Ah, alors, tu comprends naturellement mes nuits. Oh, ce ne sont que des actes de présence, parce qu'avec le chat, c'est fort. Ça fait de l'effet comme ça, ou à travers un lion qui brandit un couteau à papier pour couper un soleil, hein. Mais au lit, en amour. Oh non, là, entre nous, hein. Et alors non, non. Ah non, pas de chat. Mais t'as l'air de parler auvergnat. Ça dit bien ce que je pense. Mais voilà, quoi, voilà. Je cause avec monsieur, là, un ami. Un autre. Monsieur. Alors, à tantôt, hein. Mais certainement. Commandons. De toute façon, je ne serais pas fâché de te causer. De causer avec moi. Oui, alors, c'est la même chose. J'ai à te causer parce que tu peux me donner un conseil. Ah. C'est pour une chose qu'on me propose, une chose conséquente. Conséquente. Oh, blague pas, c'est sérieux. On me propose d'entrer au théâtre. Oh. À Cigale. Oh. Alors, comme t'es peintre, c'est tout de même aussi un peu de l'art. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois apprendre? La chanson à diction ou les gommuses? Ah, ça, non, mais tu chantes donc? Bah, à ma façon. Oh, comme une seringue! Comme une seringue, là, l'autre, là, non, mais ça, c'est même pour attraper une balle au tennis et ça se mêle de juger. Non, c'est-à-dire, je chante bien, là, comme ça, toute seule, tu comprends? mais c'est l'accompagnement qu'ils aiment. Ah. Oui, tu comprends, l'orchestre joue un air, on en chante un autre. Il faut que ça aille ensemble. Alors, malgré moi, je chante la même chose que l'orchestre. Ah, tiens, mais c'est grave. Oui, oh, mais le directeur m'a dit que ça n'avait pas d'importance. Parce que j'avais très joli genre. Oh, alors. Mais voilà, voilà. Oh. Au revoir, Gérard. Alors, on se reverra, hein. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors, à tantôt. Alors, c'est à qui de servir? Mais à toi, mon petit, à toi. Madame le patron, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur, mais j'ai dû m'occuper des voyageurs qui viennent d'arriver. Monsieur, sans vous désirer une chambre. Plutôt. Bien, monsieur, mais en attendant, puisque j'ai mon registre là, si monsieur veut me donner son nom. Gérard Saint-Franck. Ah, parfaitement. Vous me connaissez? Monsieur, monsieur. Ah, je croyais, non, parce que vous dites ah, parfaitement comme ça. Monsieur m'affirme, je ne peux pas mettre en doute ce que monsieur me dit. Ouais, juste. Saint-Franquet ou de Saint-Franquet? Comme on veut. Comment, comme on veut? Oui, j'en ai dans ma famille qui mettent Saint-Franquet, d'autres de Saint-Franquet. Quand les gens m'empruntent de l'argent, ils m'écrivent de Saint-Franquet. Quand il me rembourse, il m'appelle Saint-Franquet. Bah, c'est comme on. Alors, si ça ne fait rien, monsieur, je mettrai de Saint-Franquet. Ça fait mieux sur la liste des voyageurs. Oui, comme vous voudrez. Mais vous ne me le compterez pas sur la mission, monsieur de Saint-Franquet. Ah, ça y est. Ah, ça y est, monsieur. J'ai rattrapé l'écharpe. Je vous remercie bien. C'est de quoi? D'être revenu pour me le dire. Oh, je ne suis pas revenu, non. Il fallait que je repasse par ici. Je vous demande pardon, mais on en a besoin. Mais faites donc, je serais désolé. Bonjour, monsieur. Communicatif, ce jeune homme. Tu m'attends, hein? Tu m'attends? Oui, va, mignon, va. Oui, oui, c'est ça, Déjà de retour, madame Giclefort? Oh, n'en parlez pas, monsieur Giclefort, c'est mon désespoir. Oh. C'est un véritable gosse. Figurez-vous qu'il a enlevé sa ceinture de flanelle sous prétexte qu'il faisait chaud. Oui, monsieur. Ah. Alors, naturellement, il vient d'être pris de ses petites tranches. Oh. Ah, il a les intestins très délicats. C'est son côté faible. Oh. Ah, vraiment? Oh, excusez-moi, mais j'aime mieux monter parce que quand je ne suis pas là, il fait tout travers. Oh, excusez-moi. Communicative aussi, cette dame. Oui, mais au fait, monsieur qui est parisien doit en avoir entendu parler. C'est la Stolzini. Quoi, la fameuse danseuse de l'Empire? Oh, comme elle est changée. Ah, monsieur la connaît? Non, du tout. Non, je dis comme elle est changée parce que je suppose qu'elle n'a pas dû vouloir être comme ça. Ah oui, monsieur. Oh, quel gentil ménage. Si monsieur savait. Ah, c'est son mari? Non, c'est son amant. Ah. C'est monsieur Giclefort, le propriétaire de la belle jardinière. De Douai. Enfin, c'est toujours une belle jardinière. Oui, monsieur, oui. Alors, si monsieur veut venir pour les chambres? Ah, les chambres. Mais, dites-moi donc, il paraît que vous en avez de bonnes. Oh, très bonnes, monsieur. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Ah. Oui, je connais un peu les personnes qui descendent quelquefois ici, en avoué de Paris. Monsieur Plantaret et sa femme. Monsieur, mais ils sont là. Oh, ils sont là, tiens. Oh, comme tu es curieux. Oui. Ils sont là, tiens. Mais, et elles donnent sur ici? Qui? Leur chambre. Ah oui, monsieur, oui, elle donne sur ici. Ce qui fait qu'on voit leurs fenêtres d'où nous sommes. Naturellement. Naturellement. Puisque leurs fenêtres ont vu sur ici, il est évident que d'ici, on voit leurs fenêtres. C'est évident. C'est évident. Il est un peu gaudiche. Mais si monsieur veut, pour lui, j'ai une très belle chambre de l'autre côté. Non. Ah, pourtant, de l'autre côté, la vue de la campagne. Horreur de la campagne. Et puis, il y a une salle de bain. Horreur des bains. Ah, affaire de goût, monsieur, affaire de goût. Bon, je ne sais pas pourquoi, il me semble que cette fenêtre-là, ça va être la fenêtre de la chambre de monsieur Plantaret. Ah non, celle-là, elle est libre, si vous la voulez. Ah. Ainsi que la quatrième, elle est libre également, la quatrième et la première. La quatrième et la première. Oui, monsieur. Mais enfin, nom de Dieu, où sont les Plantaret? Mais les deux chambres du milieu, monsieur. Oh, bah, dites que j'ai connu 1 036 000. Mais je ferai remarquer à monsieur que monsieur ne me l'a pas demandé. Ah, bah, je suppose tout vous demander. Alors, monsieur veut-il la quatrième? Elle est très bien, et puis elle est juste à côté de monsieur Plantaret. Bah. Ça, vous avez... Je ne vous propose pas l'autre à côté de madame Plantaret. Ah, pourquoi ça? Parce qu'elle est sensiblement plus petite. Ah, justement, très bien. J'ai horreur des grandes chambres. Faut faire 1 km pour aller du lit à la toilette. Oh, pas là. Puis, naturellement, celle-là doit être moins chère. Ah non, c'est le même prix. Là, ah bah vous voyez, c'est le même prix. Je vais avoir pour le même prix une chose que je préfère. Y a pas à hésiter, je prends celle-là. Et si vous voulez, tant pis. Je serai à côté de madame Plantaret et puis voilà tout. Eh oui, monsieur, oui. Ça tue, je ne viens pas pour faire du luxe. Moi, je viens pour peindre. Ah. Vous devez avoir des choses à peindre ici. Oh non, monsieur, tout a été refait cette année. Il y a bien encore les petits cabinets, mais on garde ça pour la fin de la saison. Quoi, les petits cabinets? Enfin, je ne suis pas peintre en bâtiment. Je ne sollicite pas une commande. Ah, monsieur est peintre sur toile. Eh bien, oui. Vous devez avoir de jolis points de vue dans les environs. Dans les environs, je vous dirais, je suis du pays, alors je ne connais pas très bien. Vous ne savez pas seulement ce qu'il y a de joli? Oh, si, il y a la source. Ah, ben voilà, une source. Je te crois. Elle est bien? Oh, très bien. Avec de la verdure? Oh, ben oui. Des arbres? Des arbres? De grands arbres? Oh, grands, enfin, comme ça. Ah oui, de la futèque. Ah, mais non, monsieur, pas de la foutaise. Au lieu de la fouteuse, j'ai dit de la futèque. Ah, pardon. N'importe, je vois ça, la source, quelque chose de poétique, de vaporeux, à la coraux. Oui, monsieur, oui. Avec une danse de cifre, de nymphes, n'est-ce pas? Oui, oui. D'ondine. À 7h30 tous les soirs, déjeuner à midi. Quoi? Ça veut quoi, 7h30? Ondine? Je m'en fiche, monsieur, parce que je vous dis, je parle d'Ondine, génie des eaux. Ah, j'ai pas ça. Vous entendez tout de travers. Alors je fais monter les colis de monsieur dans le 13? C'est ça, c'est ça. Ah, voici justement monsieur Plantarède. Bonjour, monsieur Plantarède. Oh, Saint-Franquet, ici. Plantarède. Oh, bah, par exemple, celle-là, alors, je m'attendais. Comment si vous attendiez? Vous savez bien que nous étions à Châtel-Sancy. Ah, non, mais pas du tout. Quoi, pas du tout. C'est moi-même qu'on m'avait demandé il y a 15 jours ce que nous faisions de notre côté, cet été, qui vous ai dit, nous allons à Châtel-Sancy. À moi? Ah oui. Oh, allons, mon ami, allez, voyons. Avouez que vous êtes venu ici pour nous retrouver. Non. Ça serait gentil. Je ne vous dis pas, mais je suis venu pour me soigner. Ah, de quoi? De quoi? Ah, vous voulez savoir de quoi je... Oui, à moins que ce ne soit un secret. Ah non, du tout. Et voilà, depuis quelque temps, je suis dans un état de nervosité. Ah, la nuit, par exemple, j'ai des sursauts, comme si une décharge électrique... Et bien, mon ami, faut filer au plus vite. Comment? Ah oui, c'est tout ce qui est de plus mauvais pour les nerfs, les eaux d'ici. Elles sont phosphorées, radioactives, tout ce qui est de plus surexcitant. Ah oui, mais alors, les eaux d'ici, c'est pour quoi? C'est pour donner du temps. Et le Vortap, c'est contre l'épuisement, enfin pour les anémies et les irratés. Ah, ben voilà, oui, je le suis, irraté, je le suis. Asseyez-vous, mon ami. Ah, puis on n'est pas obligé de prendre les os, si je vois que ça me fait mal, au fond, moi, je viens ici pour peindre. Ah, oui, j'ai précisément une chose dans l'œil. Dans l'œil, vous permettez? Mais non, dans l'œil, enfin, je veux dire une chose qui me travaille, une chose à la coraux. En effet de bois, avec une source, vous voyez ça, des nymphes, des ondines, ouais. Avec de la verdure, des arbres. Il paraît qu'il y a une source admirable. Admirable, comme cul, hein, mais comme pittoresque, c'est un kiosque avec des petits robinets et des vasques en marbre. Hein? Et quant aux ondines, elles ont des petits bonnets blancs avec des petits tabliers blancs, et elles distribuent des verres de l'eau de la source. C'est pas gentil, mais ça n'a rien de coraux. Comment, bébé, mais la verdure, les arbres? Oh, il y en a, oui, dans des pots, oui, avec des mottes de gazon tout autour. Pas propre, hein. Oh, bah, l'homme, je t'ai fourré dedans. Ah, ça, mon bon ami. Pourquoi me raconter des histoires? Vous êtes ici pour nous. Moi aussi. Seulement, vous voulez pas le dire parce que vous appréhendez l'accueil que vous fera Madame Plantarède. Moi? Oh, je ne sais pas ce qu'elle a après vous, mon pauvre ami, mais elle ne peut pas vous voir en peinture. Oh, ah, vraiment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Aussi, mon ami, vous êtes maladroit. Que vous ne connaissez pas les femmes. Pénétrer dans un ménage et marquer sa prédilection pour monsieur, c'est s'aliéner madame, c'est connu. Et à vous, chaque fois que vous venez, qu'est-ce que vous dites? Je viens voir votre mari. Mais, comme c'est gentil pour ma femme. Hein. C'est vrai. Tenez, voici précisément Madame Plantard. Vous allez voir sa tête. Je peux croire, oui, j'ai tout. Les châles, les manteaux, les ombrelles, les raquettes, les sacs de balle. Eh bien, le Kodak. Oh mon Dieu. Le Kodak, j'ai laissé le Kodak. Voyons, vous n'avez que ça à rapporter, vous oubliez le Kodak. Je ne sais pas comment. Allez, courez le chercher. Oui. C'est oui. De l'inode, va. Bonjour, madame. Oh, monsieur Saint-Franquet, ici? Mais oui. Oui, madame. Ah, enchanté. Hein? Qu'est-ce que je vous disais? La tête, hein? Non, mais je ne vois pas. Bah quoi, la tête, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, la tête, hein? Rien. Je lui avais dit que quand tu le verrais, tu ferais la tête. Et moi? Ouais. Ça y est. Ah, tu ne peux pas le sentir, c'est un fait acquis. Autant qu'il le sache. Oh, je ne peux pas le sentir, que c'est bête que tu dis. Je vais pas à sentir ou à ne pas sentir, monsieur Saint-Franck. Évidemment. Voilà le cadavre. À la bonne heure. Vous êtes dessoufflé? Oh non, mais donnez-moi donc votre pliant, vous êtes chargé. C'est pour un homme, ça c'est un vestiaire. Merci Saint-Franck. Tenez, un charmant garçon, monsieur Dessaugette, que je vous présente. Monsieur Plantarède. Mais j'ai le plaisir de rencontrer monsieur tout à l'heure. En effet, oui. On a pris une gaze de soie comme un papillon après son fil. Ah oui, la gaze de ma femme. Mes enfants, c'est pas tout ça, hein. Il faut que nous rentrions nous changer. Ma femme et moi, nous sommes en sueur. Quoi? On parle pour toi? Oui, bien, soit je suis en sueur et ma femme est en transpiration. Voilà une idée. Quoi, il n'y a pas de honte. Mon petit Dessaugette, monsieur. Vous allez monter avec moi me faire ma friction au banc de crin. Oh, mais avec plaisir, monsieur. Vous n'avez pas idée, mon cher Saint-Franquet, de la complaisance de ce garçon. C'est lui qui tous les jours me frictionne. Oh, allons donc. Oh, monsieur. Est-ce qu'il frictionne bien? Oh, monsieur, vraiment. Si. Ah, pas trop sur les filles. Souvent, je me dis, c'est dommage qu'il ait sa situation dans le monde. Ça ferait un masseur admirable. Oh, vous me flattez, monsieur Plantarate, vous me flattez. Ah, mais je le dis comme je le pense. Oh. Sire Saint-Franquet, si jamais vous avez des douleurs, des rhumatismes, je vous le recommande. Oh, je suis confus, vraiment, je suis confus. Faites-vous frictionner par lui, hein, n'est-ce pas, des saugettes? Oh, mais avec plaisir. Mais je n'ai pas de rhumatisme. Ah, bah, je regrette. Pas moi. Mais très touché tout de même. Alors, venez. Et toi, Micheline, puisque tu ne veux pas être en transpiration, eh ben, tu vas tenir en compagnie à notre ami Saint-Franquet. Quoi, moi? Vas-y. Hein, oh. Saint-Franquet, non mais croyez-vous qu'elle ne peut pas vous sentir? Non mais le croyez-vous? Oh, t'en prie, t'es pas chérie. Ah, vous aurez de la peine à la prix. Ah. Oui, ma chérie, allons. Allez, venez vous des saucettes. Allez, mon masseur à titré. À tout à l'heure. Ah, hein. Oh, merci. Merci pour ces paroles d'amour que votre mari vient de laisser échapper devant moi. Mmh, bah quoi quelle parole d'amour? Vous ne pouvez pas me sentir. Vous l'avez dit à votre mari, il me l'a répété. Ah, merci. Et vous trouvez de l'amour là-dedans, vous? Absolument. Car enfin, est-ce que je vous ai fait quelque chose? Non. Alors pourquoi me détesteriez-vous si ce n'est pas parce que vous avez peur de m'aimer? Oh, par exemple. Ah, bah pour de la fatuité. Non, c'est de la fatuité. Mais c'est de l'observation. Mais d'abord, monsieur, qu'est-ce que vous venez faire ici? Des eaux de châtel pour les déprimer. Allons à d'autres. Alors vous trouvez que ce n'est pas assez d'avoir envahi mon domicile tout cet hiver en vous insinuant dans les bonnes grâces de mon mari? D'en avoir profité pour vous implanter chez moi, dans mon ménage? Mais laissez-moi parler, au point que les gens commençaient à jaser. Mais de quoi se mêlent-ils, les gens? Parce qu'ils ne les regardent pas, quoi, c'est bien leur droit. Et maintenant vous poussez l'aplomb jusqu'à venir me relancer ici, pour m'afficher. Pas du tout, je suis l'ami de votre mari, je viens le retrouver, c'est bien naturel. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est votre tactique. Permettez. Non, c'est un truc, du monde. Je ne demande plus que d'avoir l'air de me faire une scène. Hein? Mais souriez, voyons. Ah oui. Dépêche-toi, monsieur. Madame. Et ben voilà, c'est fait. Le petit imprudent a mis sa ceinture de flanelle. Monsieur. Mais c'est tellement votre tactique qu'il y a des années que vous connaissez mon mari pour le rencontrer tous les jours à votre cercle. Et de quand date cette foudroyante tendresse? Comment de quand date? Bah, c'est pas vrai. Ça date, de ça je peux préciser. Ça date du lendemain du jour où vous m'avez aperçu dans une loge avec lui. Ah, eh bien, mais quand ça serait? Mais quand l'amour m'aurait dicté ce que vous appelez cette tactique. Allons donc, vous l'avouez. Ah, mais oui, je l'avoue. Je l'avoue tellement qu'il est arrivé ce que j'ai voulu qu'il arrivât. C'est que votre mari, au bout de quelques temps, ne pouvait plus se passer de moi. Il m'introduisait chez lui, chez vous. Voilà. Ah, chez vous. Et dès lors, j'étais au compte de mes voeux, j'étais heureux. Je pouvais vous voir, vivre de votre vie, respirer votre air. Non. Vous étiez là. Enfin, quoi, j'étais heureux. Vous l'entendez. Mais qui dites-vous ça? Il n'y a personne. Je me parle à moi-même. Ah, pardon, je ne savais pas que vous disiez vous. Oh, la plaisanterie, vous savez. On ne peut pas vous faire rire. Mais pourquoi êtes-vous aussi maussade avec moi? Parce que j'ai commis un crime, de chercher un moyen de me rapprocher de vous. Mais une fois le résultat rêvé obtenu, pouvez-vous me dire que je vous ai jamais demandé quoi que ce soit? Non, ça aurait pu manquer que ça. Ah, bah quoi, puisque je voulais être votre amant. Ah, bah vous l'avouez, il l'avoue. Mais non, je parle d'après vous. Oh, me parbleu, non, vous m'avez rien demandé. Oh, c'est trop si bête. Mais tout de même, si un jour, dans un moment de faiblesse, vous m'aviez trouvé disposé. Oh, bah tiens. Bah, qu'est-ce que je disais? Mais comment, dans ce moment-là, si c'est pas vous, c'est un autre, alors autant que ça soit ah, vous. Ah, voilà, c'est net. Eh bien, non, mon ami, non. Mettez-vous bien en tête que jamais, je ne serai votre maîtresse. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous me prêtez des sentiments. Je ne la serai jamais. Bon, c'est bien. Eh bien, c'est bien. Que vous me connaissez mal, ma pauvre amie. Oh oui, vos masques. C'est pour les beaux yeux de mon mari, n'est-ce pas, que vous l'entouriez de toutes vos prévenances? C'est pour ses charmes que vous n'avez eu de cesse que vous ayez fait son portrait. Ah, ça, par exemple, ça, c'est le bouquet. Je vous conseille d'en parler, oui. Quand c'est vous qui m'avez joué ce tour-là? Quoi, moi? Comment? Un jour, je me risque, tout timide, tout balbutiant. La seule privauté, si c'en est une que je ne sois permise, j'ose vous dire, ah madame, je serais le plus heureux des peintres si vous me procuriez la joie de fixer sur la toile des traits qui me sont chers. Vous me répondez, mais comment donc? Vous allez ouvrir la porte, vous appelez Plantarède, il arrive comme il était, en caleçon, et vous lui dites, Antoine, monsieur Saint-Franquet demande à faire son portrait. Vous n'avez pas fait un tour, qu'est-ce qu'il vous faut? Des traits qui vous sont chers, j'ai cru que c'était mon mari. Vous produisez tout? Oh, vous n'avez pas compris. C'était une petite rosserie à vous. Il faut croire que ça ne vous était pas si désagréable, puisque vous avez fait le portrait. Tiens, je ne voulais pas vous montrer mon dépit. Enfin, je me disais que vous assisteriez aux séances et vous seriez là. Ah oui. Vous nous avez laissé dans un tête à... Ah là là. Que vous me connaissez mal, ma pauvre amie. Eh oui, vos masques. C'est pour les beaux yeux de mon mari, n'est-ce pas, que vous l'entouriez de toutes vos prévenances? C'est pour ses charmes. Vous n'avez eu de cesse que vous ayez fait son portrait. Par exemple, ça c'est le bouquet. Je vous conseille d'en parler, oui. Quand c'est vous qui m'avez joué ce tour-là. C'est moi? Comment? Un jour, je me risque tout timide, tout balbutiant, la seule privauté, si c'en est une, que je ne sois permise, j'ose vous dire, ah, madame, je serais le plus heureux des peintres si vous me procuriez la joie de fixer sur la toile des traits qui me sont chers. Vous me répondez, mais comment donc ? Vous allez ouvrir la porte, vous appelez Blantarède, il arrive comme il était, en caleçon, et vous lui dites, Antoine, monsieur Saint-Franquet demande à faire ton portrait. Vous n'avez pas fait un tour ? Ah, ben, qu'est-ce qu'il vous faut ? Des traits qui vous sont chers, moi j'ai cru que c'était mon mari. Non, pas du tout. Oh, avec ça, vous n'avez pas compris. C'était une petite rosserie à vous. Il faut croire que ça vous est aussi désagréable puisque vous avez fait le portrait. Tiens, je ne voulais pas montrer mon dépit. Et puis enfin, je me disais que vous assisteriez aux séances, que vous seriez là. Voilà. Ah oui, ça, oui, vous m'avez laissé dans un tête-à-tête. Ah, ça. Mais j'y mettais de la discrétion. Ouais, oui, n'importe, je me consolais comme je pouvais. Je me disais qu'après tout, votre mari, c'était encore un peu de vous. Et alors, je l'ai peint avec ardeur, avec amour. Parce qu'à travers lui, c'est vous que je voyais. Et je l'ai fait joli, joli, joli. Ah, quelle horreur. Ah, oui, t'es très content. Mais parbleu, j'ai jamais vu si beau. Ah, enfin, est-il que je vous aime. Ah oui. Oui, je vous aime, je vous aime. Mais oui, je vous aime. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je ne vous ai jamais vu dans cet état. Mais c'est les eaux d'ici. Je n'en ai pas encore vu, mais ça ne fait rien. Je me sens déjà tout régénéré. C'est la radioactivité. Oh, mais voulez-vous me laisser ? Laissez, voyons. Ah non, Michel. Mais faites donc attention, ça va vous me briser ma fleur. Oh, mais qu'est-ce que ça fait, Michel ? Non, souriez, voyons. Ah, ça, oui. Là, je vais droit par là et vous trouvez la tour à ma gauche. Merci bien. Madame. Ah, monsieur, il a enfin trouvé Madame Plantarède. Oui, oui. Quoi ? Je vais changer le melon que voilà. Il est trop avancé. Ah bon. Monsieur, bon. Madame. Oh. Ça, vous êtes fou ? Vous êtes allé faire des confidences à cet homme ? Moi, pas du tout. C'est lui qui m'avait raconté que vous étiez ici, alors je lui ai répondu, bah, tant mieux, je serais très heureux de les voir. Oh, comme c'est vraisemblable. Il y a 300 baigneurs, vous arrivez, ne vous connaît pas, il vous dit tout de suite, ah, vous savez, les Plantarède sont ici. Bon, non, évidemment, ça ne s'est pas passé tout à fait comme non, ça. Non, vous êtes donc juré de faire tout pour me compromettre. Comment, moi ? Oh. Ah, non. Vous ne tapez pas comme ça sur cette table. Oh, vous m'énervez. Mais oui, vous. Voilà. Elle est verte, alors, celle-là. Monsieur a appelé. Quoi ? Vous avez frappé sur la table. Mais c'est pas moi, c'est madame. Comment ? Oui, si je... Madame Désir. Je voudrais... voyons cette consommation. Ah oui, il y a des vertes. Comment ça s'appelle déjà ? Une verte. Oui, c'est ça, une verte. Oui. Ah, sucre, anis ? Sucre, c'est plus doux. Bien, madame. Qu'est-ce que c'est que ça, une verte ? Quoi, une verte ? C'est une absinthe. Une absinthe ? Oh, mais ça vous êtes tout à fait fou, vous me faites commander une absinthe à présent, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, ce garçon ? Ça m'est égal, alors qui peut penser, ce garçon ? Oh, mais pas à moi, de quoi vais-je avoir l'air ? D'une femme qui se pique le nez ? J'ai pas pensé à demander un pernod ou une oxygénée ? Mais qu'est-ce qu'il dit encore ? La verte. Non, pour une absinthe, on a mis une verte. Une verte, une grande verte. Ah, bon, je disais aussi. Vous voyez, il disait aussi. Oui, maintenant il ne dit plus, c'est arrangé. Oh, oui, c'est arrangé. Vous avez une façon de prendre votre parti de tout. Non, pas de tout. Oh, c'est du sérieux. Non, vous n'allez pas recommencer. Allez, rendez-moi ma fleur. Votre fleur ? Ah, oui, mon œil. Oh, vous n'allez pas me la reprendre. Non, je ne venais pas. Oh, vous êtes cruel. Au revoir, cher monsieur. Je vous aime, Micheline. Comment vous défendre de m'appeler Micheline ? Je vous aime, chère madame. Cher madame, tenez, vous me faites rire. Mais c'est ça, riez. Quand on rit, on est à moitié désarmé. Vous comprenez donc pas, mon pauvre ami, que je ne trompe pas mon mari. Oh, que c'est drôle. Mais non. Mais enfin, tout de même, si une fois par hasard vous changiez d'idée, promettez-moi que ça sera avec moi. Non, enfin, vraiment, vous êtes ridicule. Bon, vous ne pouvez vous-même pourtant pas l'aimer. Mais qui ? Mais votre mari. Tenez, regardez-le à 4 mètres, à travers ses carreaux. Il dit bonjour, il a l'air radieux. Bonjour. C'est quoi frotter, là ? Si vous ne vous moquez pas de lui, Oh, je ne me moque pas, mais regardez-le, on s'y laisse femelle avec cet imbécile qui lui pollue le dos. Allons, est-ce que vous pouvez l'aimer ? Est-ce qu'il a la tournure d'un amant ? Vous croyez que vous l'aimez, vous ? Certainement, je l'aime. Évidemment, je l'aime. J'aime comme un ami, mais enfin, pas comme un amant. Mais un amant, il en dit, ça dépend. Non, voilà, c'est... Je sais bien que si vous devez recommencer, tant pis pour ce qui en résultera, j'appelle mon mari et je lui dis tout. Oh, bah si vous croyez me faire plaisir avec des menaces, mais appelez-le donc, votre mari, j'ai votre chat, après tout. Il en résultera un éclat, mais au moins, nous aurons une situation honnête. Antoine ! Antoine ! Ah non, personne ! Tu m'appelles, ma chérie ? Non. Bravo, la main dans la main. Bien, celle-là. C'est pour me faire voir ça, bravo. Venez voir les saugettes. Oh, très bien. Oui. N'est-ce pas ? Oui. On s'est expliqué. Madame Plantarède même, maintenant. Quoi ? Non, je veux dire, enfin, les hostilités ont cessé. Ah, l'entente cordiale, bravo. je suis ravi. Dis donc, Micheline, mon loup, où as-tu mis mes faux quand je ne les trouve pas ? Mais attends, je vais monter. Permettez, oui. Non, prie. Ça a été dur ? Oh, faut pas... pas pour buter. Le tout est de savoir la prendre. Ben oui, voilà. Entrez. Assieds-toi. Je demande pardon, Saint-Franquet, ma femme est là. La menthe verte, monsieur. C'est bon, buvez-la. Ah, merci, monsieur. Non, moi, j'ai soif. Ah. Tenez, payez-vous. C'est 12 sous. Oh, c'est bien, gardez le reste. Mais monsieur me donne 50 centimes. Oh, pardon. Voici. Gardez, gardez. Merci, monsieur. M'accélérez, Tommy. Vous êtes semblable comme une fortune. Ouais, c'est que vous êtes marchande tellement vite, Dotty. Oh, taisez-vous, Tommy. Qu'est-ce que c'est? Oh. Non, je dois avoir quelque chose. Bonjour, monsieur. Hein? Bonjour, madame. Non, mademoiselle. Oh, jeune fille. Mademoiselle, pardon. Vous allez bien? Hey, très bien, très bien. Shake hands? Oh! Merci. Mais certainement, mademoiselle, vous devez faire erreur. J'ai beau chercher, je ne crois pas avoir le grand plaisir de vous connaître. Oh, moi non plus, je ne vous connais pas. Ah, ah. Ma fiancée. Monsieur, enchanté. Oh, how lovely, isn't he, Tommy? Oh, but what do you mean, Dotty? Oh, shut up, Tommy. How lovely, lovely. Moi, pardon, mais ma chambre, j'arrive, je voudrais bien... Oh, pardon, pardon. Certainement, certainement. Très heureux. Vous êtes longtemps ici? Pour longtemps, oui. Oh, alors on marchera quelquefois ensemble, vous voulez? Mais oui, oh, mais certainement, certainement, mademoiselle, monsieur. Oh, mais si c'est ça, les autres ici, alors... Oh, Tommy, la jeune homme, il est demeurant à l'hôtel de nous. Yes, but who is the gentleman? Je sais pas, je connais pas, je hemble. What do you say, Dotty? Uh-huh. Can you say that to me? Français, parlez français. On est en France. C'est pour se mettre le langue dans la bouche. Oh, Dotty, vous dites vous aimez le? Oh, yes, je aime-le, je aime-le. Oh, Dotty, mais je suis le fiancé de vous. Oui, et vous, promis-moi, vous ferez toujours tout qu'est-ce que je voulais. Oh, oui, ben... Eh bien, allez lui dire que je l'aime et je veux marier lui. Oh, Dotty, mais... Et moi? Vous, Tommy, vous épouserez une autre. Vous retournerez chez ma père et continuerez avec une toise de cochon. Moi, je marierai celui-là. Dotty, mais je aime vous. Pauvre Tommy, et moi, je aime-le. Oh, nous sommes bien malheureux. Oh, Dotty, je voudrais avaler mon tête. Et pour quelle chose, Tommy? Pour la chose que je meurs. Oh, sale, mon Tommy, je aime beaucoup vous, mais pas pour le mariage. Allez lui dire que je l'aime. Je l'aime. Oh, jamais, jamais, j'aime mieux tuer-le. Tommy, si vous faites ça, je n'épouserai jamais vous. Well, et si je ne fais pas? Oh, alors, j'épouserai-le. Oh, poor Tommy. Oh, don't cry, Tommy, don't cry. Au revoir. Oh, look, la petite dame que les mangeurs le passent à nous à table d'hôte. Yes. Oh, mademoiselle. Allez-y, allez-y, bonjour. Mademoiselle, pardon. Je voulais demander, je ne sais pas comment on disait. Allez, mademoiselle, allez. Vous l'êtes bien, cocotte? Comment? Non, je dis... Vous l'êtes bien. Oui, j'ai compris, mademoiselle. Oh, vous en permettez. Je croyais, j'avais entendu dire. Pas fâché. Non. Alors, vous êtes une femme pour l'amour. Ah, eh ben oui. Oh, et tous les hommes, ils vous aiment. Eh, hey, il n'y a pas trop à se plaindre. Oh, dites-moi, comment vous faites pour ça? Oh, comment? Mais c'est toute une éducation que vous me demandez là. Oh, disais oui, parce que moi, je ne sais pas. Et je voudrais si tant savoir pour les hommes, ils me aiment. Parce que je aime brusquement un. Vraiment, il dit ça? Je ne sais pas, je ne connais pas, j'ai le coup de tonnerre. Le coup de poudre? Oh, c'est les gens. Yes, le coup de poudre. Oh, Dotty. Laissez, Tommy. Je vous présente ma fiancée. Monsieur, félicitations. Vous comprenez-moi, je suis une jeune fille d'Amérique. Je ne connais pas les usages français pour l'amour. Oui. Je suis arrivée ici pour le traitement. Ah, vous suivez le traitement? Pas moi, mon mère. Yes. Madame, votre mère. Ah, bon, mais je n'ai jamais vu avec vous. Oh, non, parce qu'elle n'est pas là. Elle est en Amérique. Ah! Yes, au moment de monter dans le bateau, elle a pensé qu'elle avait oublié d'embrasser mon père. Alors, elle est retournée. Oui, bien sûr. Et quand elle est revenue? Le bateau était parti. Yes, oui. Mais c'est égal, elle prendra un autre maintenant qu'elle a embrassé mon père. Oh, évidemment. Parce que mon père, c'est le plus grand marchand de cochons d'Amérique. Ah! Il est milliardaire. Faire fortune avec des cochons. Oh, qu'il doit en falloir. Beaucoup. A-t-il des loups? Et alors, qu'est-ce que je dois faire pour le monsieur? Ah, pour le monsieur? Eh bien, puisque vous l'aimez, il faut le lui dire. J'ai demandé à ma fiancée, elle ne voulait pas. Oh, il ne veut pas lui faire dire. Oh, c'est curieux. Jimmy, here he is, here he is. Comment? Yes, c'est le Saint-Franquet. Non. Hey, Gérard. Oh, encore plus chiant. Non, taisez. Mademoiselle. Oh, non, je m'en vais. Tiens, voyons, mais alors, Mais quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, I hate you, you see, I hate you. Ah, avec Tommy, plaisir. Tommy, come. Yes, I'm coming. Oh, mon vieux, figure-toi que t'as fait une passion. Moi? Oui, la petite, le coup de foudre. Fille d'un milliardaire. Oh, que ça me dort. Ça m'excite. Ah non, non, allons, allons, voyons, si on t'avait vu. Eh ben, quoi, on a dit, tu ne t'embêtais pas? Ah non, écoute, je suis très content de t'avoir retrouvé ici, mais ici, je suis avec des gens du monde. Non, ben, dis donc, toi, dis donc. Alors, quoi, je vois pas une femme du monde? Ben oui, on a fait pas ce que je dis. Oui, ben, avec ça, qu'elles valent mieux que nous, pour la plupart, les femmes du monde. Oui, oh, mais. Oui, au moins, celles qu'on voit dans les villes d'eau, elles ont tout un gigolo. Oui, oh, mais. Oh, mais y a pas de. Oh, ouais, mais qu'elles ont tout un gigolo, c'est pas pour enfiler des perles. Oh, oui, oh, mais les gens du monde dont je parle, c'est pas comme ça. Ah, ben, tant mieux pour la rareté du fait. Oh, nom d'un chien. Attends, attends. Un des gens du monde en question. Ah, c'est celui-là. Oh, bah mon vieux. Quoi, quoi, oh, bah mon vieux. Bien, bien, bien. C'est pas vite, c'est pas vite. Oh, quel bruit. Ah, vous connaissez cette petite femme-là? Ah, pas du tout. Non, elle m'a demandé un renseignement, le chemin pour aller à la source. Scoop chantée à la source. Elle veut nous faire marcher. Elle vient deux fois par jour. Oh, je vous dis, je ne la connais pas. Ah, tant pis, tant pis. Pourquoi? Elle me plaît beaucoup. Oh, plus pas donc, monsieur Blandarel. Vous, un homme sérieux? Ah oui, un sérieux, sérieux à Paris. Mais ici, est-ce le traitement, l'eau radiophosphate? Je ne sais pas, je me sens tout... Oui, oui. Et madame Blandarel? Elle? Oh, non, non. Elle m'a timide. Oh, vraiment? Ah, vous voulez, c'est plus fort que moi, les femmes honnêtes, ça me glace. Allons donc. Ah, je sais comment dire, là. Dans les moments psychologiques, enfin... Devant mes yeux se dresse toute l'éducation familiale, le père, la mère, l'institutrice, ça me coupe bras et jambes. Ah, oui. Et n'est-ce pas, entre amis, on peut se dire ces choses. Ça se trouve bien. Oui, au fond, ma femme n'aime pas ça. Ah, avec vous? Quoi, avec moi? Ah, mais évidemment, avec moi, pas avec d'autres, bien sûr. Oui, bah, oui, c'est ce que je voulais dire. La vérité, c'est que nous ne sommes pas des tempéraments ni l'un ni l'autre. Oui, oui, oui. Oui. Mais si je ne sais pas ce que j'ai, les femmes me paraissent jolies, désirables. Oh. Ah, ma parole, c'est à croire que j'en arrive à un tournant de mon histoire. Eh oui, leur tour d'âge. Insolent. La nubilité. Oh, je n'ai faible. Dites donc, je vais jusqu'à la sorte. Retrouver la petite. Mais non, boire mon eau. Si vous voyez ma femme, je reviens sitôt au but. Ouais. Je serai là dans 2 minutes. Entendu. Hein? Oh, c'est encore toi. Dis donc. Si c'est pour ce ménage-là qui fait tout ce qui est là. Quoi? Oh bah tu sais, faudra en rabattre, parce que la femme. Qu'est-ce que ça veut dire, la femme? La femme. Bah, comme les autres, mon vieux. Oui, comme les autres, comme les autres. Mais monsieur Lévent, dire ça. Oui, un corps, un fait. Je vous demande pardon, je vais porter les lettres de monsieur Plantarade à la poste. Oui, oui, oui, bon, ça va bien, ça va bien. Oui, allons, allons, un corps, un fait. Ah, ben bah, t'as qu'à te renseigner auprès de ton ami. Quel ami? Ah, le petit gigolo, là, qui va porter l'aide de son mari. Oh, bah mon vieux. Pourquoi, qu'est-ce que tu as l'air de dire? Oui, alors, j'ai eu tort de te raconter ça, je vois que ça te vexe. Moi? Ah, ben bah, bon, mais je t'embrasserai. Oui, bah, et ben juste. Mais parfaitement. Non, regarde, on nous regarde. Ah, on nous regarde, tiens, tu t'embrasses. Tiens, tu t'embrasses. Tu te sauves, tu te sauves. Oh, mais mon petit coup, c'est pas ma faute. Oh, quel truc, cette femme. Un compliment. Mes excuses pour être venue aussi malencontreusement déranger vos épanchements. Il n'y a pas de mal, madame Plantarède. C'est une parente, sans doute. Du tout, c'est une cocotte. Ah, au moins vous avez la qualité de la franchise. Hein. Une qualité d'homme. Ce qui veut dire? Que les femmes n'ont peut-être pas pareille loyauté. Elles font blanc de leur honnêteté quand l'homme qui leur parle d'amour ne leur plaît pas. Mais elles savent bien le mettre de côté aussitôt qu'un gigolo daigne leur compter fleurette. C'est pour moi que vous dites ça? Je n'ai nommé personne, vous vous reconnaissez bien vite. Si ce n'était pas moi que vous visiez, votre réflexion n'aurait pas de sens. Par conséquent, inutile de faire le jugement. Ah, vous reconnaissez donc ce petit imbécile de Dessaugette? Vous ne pouvez rien à reconnaître, vous croyez ce que vous voulez, je n'ai aucun compte à vous rendre. Oh, c'est bien, oh, c'est très bien, c'est très bien. Parfaitement, c'est très bien. Ah, voilà, celui-là sera au point. Quoi? Quoi encore ce gérant là? Quoi? Qu'est-ce qui sera au point? Mais mon melon! Est-ce que vous n'avez pas foutre la paix, vous, avec votre melon? Hein? Ah oui, oui, monsieur. Oh, oh. L'orage. Non, est-ce que vous voulez recevoir mon pied quelque part? Oh, ou... Non, monsieur. Eh bien, fichez-moi le corps. Oui, monsieur. Oh. Fâché d'avoir appris à vous connaître. Bon, ça va bien, ça va bien. Ah oui, le fantoche. Ah, voilà revenu. Oui. Non, mais ma parole, il a la fleur à la boutonnière, l'œillet. Vous avez entendu le tonnerre? Je crois que ça va se gâter. Oui, oui, monsieur, je crois aussi que ça va se gâter. N'est-ce pas? Eh bien, si nous renseignons... Eh bien, volontiers. Oh, mais pardon, monsieur Dessaugette. Cher monsieur. Qu'est-ce que cette fleur que vous portez à votre boutonnière? Ça, mais c'est un œillet. C'est un œillet. Êtes idiot! Monsieur Tadjok! Un œillet. Je suis assez fort en botanique pour le voir. Mais vous me demandez... Oui, mais... bien, monsieur, veuillez retirer cette fleur. Plaît-il? Veuillez retirer cette fleur. Non, mais monsieur, pourquoi... Veuillez, monsieur, retirer cette fleur. Je vous en prie, monsieur Saint-Franquet. Ah, je vous prie aussi, madame, c'est une affaire entre monsieur et moi. Pardon, monsieur, mais je ne comprends pas. N'ayez pas à comprendre. Il me déplaît de voir cette fleur à votre boutonnière. Retirez-la. Mais pardon, mais je n'ai pas l'habitude. Vous connaissez, vous, voyons. Parfaitement, je tiens tout. Si dans deux secondes, vous n'avez pas enlevé cette fleur, je vous tire les oreilles. Oh, mais monsieur. Oh, monsieur, ça prend un cœur. Oh, mais monsieur, vous saurez. Qu'est-ce que vous dites? Je saurai. Vous osez dire je saurai? Oui. Entendez-vous ça, je saurai. Mais monsieur, ah, je saurai. Monsieur Saint-Franck, voulez-vous retirer la fleur? Mais non, mais écoutez. Vous ne voulez pas la retirer, à votre aise. Ah, vous me giflez, j'allais l'ôter. Oh, mais vous êtes, vous perdez la tête, de quel droit vous permettez? Oh, mais pardon, madame, je suis le seul juge de mes actes. Trop. Ah, eh bien, mes amis, ça va toujours, l'instant de cordon. Ah, voilà, tu arrives bien, monsieur. Ah oui, oui. Figurez-vous. Ah oui, mais pardon, laissez-moi m'expliquer. Non, permettez, monsieur est mon mari, veuillez me laisser parler. Quoi, qu'est-ce qui vient encore? Oh, figurez-vous, je ne lui disais rien. Taisez-vous, et... des sauts. Ah, bah, tu es mon mari, hein, c'est à toi de me faire respecter. Oui, si quelqu'un s'est permis de te manquer de respect. C'est ma fleur, mon œillet, mon œillet. Dinde. Comment? C'est un œillet d'Inde. Bah d'Inde, oui. Bon. Eh bien, monsieur Dessauger, t'avais trouvé bon de le mettre à ta boutonnière. Oui. Mais enfin, mais pourquoi? Pourquoi avez-vous mis cet œillet à votre boutonnière? Moi? Oui. Mais c'est pas de lui qu'il s'agit, là, tout d'entre eux, qu'il se garde. Ah oui, pardon. Il n'y a pas de mal. Non, mais alors, qui monsieur, qui s'est permis de faire une fée inqualifiable et qui vient de gifler ce pauvre monsieur Dessauger. Mais parfaitement. Mais oui, mais je ne comprends pas, je ne lui disais rien. J'arrivais, la bouche enfarinée. Non, pouvez laissez-nous tranquille, Dessauger, ne vous emmêlez pas. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est embêtant pour Dessauger. Oh, Dessauger, tout le monde question de Dessauger. Dans tout ça, comment? Il s'agit de moi, il s'agit de toi. Mais de nous. Alors, est-ce que tu trouves naturel que monsieur me compromette? M'affiche, en faisant un scandale pour que cette fleur... D'ailleurs, il me l'avait demandé. Ah, pardon, pardon, si, monsieur, pardon. Si, vous me l'aviez demandé. C'est parce que je voulais refuser. Mais quand je pourrais parler... Oui, alors à propos de rien, sans raison, j'ai reçu une gifle. Allez, fichez-nous la paix des sujets, on attend que vous... Alors, tu admets ça, toi, tu admets ça. Non, pas du tout. Saint-Franck, oui. Ma femme a raison. M'expliquerez-vous? Bon, c'est très bien. Si vous trouvez bon que ce petit monsieur placarde à sa boutonnière la fleur qu'on a vu porter à madame votre femme... Mais absolument! Si vous admettez que ce gigolo se rende ridicule... Ridicule, monsieur, par hasard, vous voudriez insinuer que madame Plantaret... Oui, non, mais... Alors, quoi vous mêlez-vous? Oh, écoutez, en voilà assez, moi, si vous le prenez sur ce ton-là... Je le prends sur le ton qui me plaît. Finissons-en. Oui. Demain, monsieur, vous serez mes témoins. Moi, c'est bien, monsieur. Je suis à vous, ça. Ah, mon ami, non, mon ami, tu ne vas pas. Mais c'est bien, ça suffit. À demain, Saint-Franck. À demain, monsieur. Quand t'arrêtes. Mais... Venez, vous autres, venez. Oh, mon Dieu, que c'est embêtant. Aussi, Dieu, que vous aviez besoin de mettre cette fleur à votre boutonnière. Mais c'est vrai aussi, quel besoin aviez-vous? Je ne sais pas, mon monsieur, il était tombé par terre, alors pour ne pas qu'on marche dessus, moi, j'aime pas voir souffrir les fleurs. Ah, vous êtes malin, oui. Vous êtes malin. Ah oui, ça, vous êtes malin. Ça, c'est vrai, ça, on suis malin. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant, mon Dieu, c'est embêtant. Oh, écoutez, Saint-Franck, et maintenant que nous sommes seuls... Oh, vous des Saujettes, traitez-moi la peur, vous casse la figure, Oui, monsieur. Et demain, des Saujettes, mettez-moi. Oui, bah, tout ce que vous voudrez, monsieur, tout ce que vous voudrez. Mais nom de Dieu... Un bon coup d'épée à celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Une dispute? Oui, toi, bichon, va-t'en au diable. Oh, bah dis donc. Mais ou plutôt non, viens, je t'adore. Ah, la bonne heure, tu es une vraie femme, toi, tu es honnête, tu fais l'amour, mais tu ne fais pas la vertu, tu es honnête. Non, mais il est fou. Non, je t'adore, je te dis, je t'adore. Allons, voyons. Ah, mais tu te la fais. Ça ne fait rien, tu es honnête, allez, tiens. Oh, crotte, il pleut. Je t'adore. Oh, look at him. Oh, je t'adore. Oui, mais écoute, il pleut trop, alors tu me le diras là-haut. Mais oui, mais certainement, mais viens, je t'adore. Tu n'es pas trop mouillé, mon mignon. Non, ma chérie, non, ta jupe l'abrite très bien. Oh, monsieur, il est la cyclophore. Oh, fiche-moi ça. Allez, Virginie. Programme de la soirée. en Alvadou. Sicou, sicou, ça voyait le minette. Aïe, bougie, l'énal, trou, trou. Gigouli, pompon, aval, trompette. Moravie, dodo. Atalie, popo. Trine de la boussie, limba, ben. Oh, je boucle à les mirabouilles qu'ils aiment. Oh, oh, oh, oh. Oh, voyait, bot, bot, bot, bot, bot, bot, bot. Troumali. Troumala, ayakoulami, ayakoulami, ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. Voyez, bot, bot, bot, bot, bot, bot, bot, troumali, troumala, katali, katala, zig, zig, zig, zig, zig. Voilà, ça y est. Alors, un bon temps après le deuxième, aha, hein, que je place mon petit frisson. Puis grouillez-vous pour le mot yabot, hein, c'est compris. Oui. Bon, encore une fois, que ce soit bien arrêté. Là, du couplet. En Amonique, en Alvadou, sicou sicou ça va, y'a le minette, aïe à bougile. Oh non, non, oh, tu peux être barbante avec ta chanson. Barbante? Oh oui, barbante, c'est vrai, ça va durer longtemps cette sérénade. Mais c'est pas une sérénade, c'est une chansonnette. C'est pas d'une sérénade, c'est d'une sérénade. Ah, c'est pas plus poli. Alors d'abord, elle est idiote ta chanson. Je regrette, c'est sans doute mon cher que tu ne la comprends pas. Oh, oh, oh, ça c'est admirable, tu la comprends toi? En tout cas, je la fais comprendre. Ah bon? C'est une chanson agrache, alors ça peut pas être du français. Oui, mais comme on est en France et pas en agrachie, je te demande un peu ce que ça signifie. Aïe Koumali. Qui, qui, qui. Oh, Koulami d'abord. Oui, oh, Koulami, si tu veux, je ne sais pas la langue. Qui, qui, qui, cacali, cacala. Oh, oh, évidemment, dit comme ça. Oh, y a Koulami, qui, ça ne signifie rien. Mais si tu y mets un peu d'attention, un peu d'art. Ouais. Ayakoulami, ki-ki-ki-ki-ki, trumali, trumala, kakali, kakala. Et ben comme ça, ça change. Ah oui, ah oui, oui, ça change. Mais c'est précisément le fait des artistes, tu comprends? De faire saisir au public les choses qui n'y sont pas. Mais en fait, tu trouves pas c'est idiot, toi, des choses? Oh, si, si. Ah ben dites donc, si, si, vous-même, je ne demande pas votre avis à vous. Bah, c'est Gérard qui me le demande. Naturellement, ça m'aurait étonné que vous ne soyez pas de l'avis de Gérard. Si vous appelantiez un coup d'épée, vous lui laissez les pieds. Et moi? Mais évidemment, vous avez peur. Oh, j'ai peur. Faites ma chanson, hein. Si vous trouvez ça malin de décourager une artiste au moment d'une création. Une création. Oui, d'abord, qu'est-ce que tu fais là, toi, depuis 1h15. Si tu veux pas arriver à la répétition générale du français quand ça sera fini, pourquoi tu vas t'habiller? Mais parce que je ne trouve rien de ce qu'il faut, avec ton ordre habituel. Ah, tu trouves rien de ce qu'il faut? Évidemment, tu décides bien arrangé qu'il n'y a plus de domestique à la maison. Mais c'est ma faute, Victor m'a demandé à sortir et Marie est sortie sans me demander. Oh, c'est admirable. Pourquoi Marie est-elle sortie sans te demander? Parce que c'était son jour de congé. Mais Victor, alors pourquoi t'es-tu demandé à sortir? Parce que c'était pas son jour de congé. C'est ça, il y en a un qui sort parce que c'est son jour de congé et l'autre qui s'en va parce que ça n'est pas son jour de congé. C'est charmant. Et moi alors débrouille-toi, si bien que je ne trouve rien. Oh non, c'est éternel gringe. Alors quoi? Qu'est-ce que tu ne trouves pas? Je ne trouve pas la brosse à la vie. Tu trouves pas la brosse à la vie? Tu trouves pas la brosse à la vie? Oh, c'est admirable, ça. Elle est dans le pot à eau. Qu'est-ce que tu dis? Oh, dans le pot à eau. Eh ben oui, elle m'est tombée des mains dans le pot à eau. Et comme je l'ai pas retiré, il est probable qu'il y ait encore. Ah non, ça va. Et je t'avais regardé. Oui, tu veux que je regarde dans le pot à eau pour chercher une brosse à la vie? Ben naturellement, c'est ce qu'il y a. Je te demande un peu. Faire macérer ma brosse, non? Tu voulais pas que sur ma digestion, j'aille me tremper le bras jusqu'au coude. Tout ça pour une brosse. Oui, et moi pendant ce temps-là, je me suis lavé les dents avec l'eau de ma brosse. Eh ben quoi, bloque tout. Est-ce que tu t'en es aperçu? Est-ce que tu t'en portes plus mal? Non. Et ben alors, qu'est-ce que ça te fait? Ouais, mais ça me dégoûte. Oh, admirable, ça. C'est comme ces gens qui vous emmènent vous débarbouiller dans leur cabinet de toilette et qui au moment de vous essuyer le visage vous disent « Ah, oh, vous n'auriez pas dû prendre cette serviette-là, c'est pas la serviette à figure. Oh. » On ne s'aborde pas plus mal, mais n'empêche que c'est dégoûtant. Mais oh mon Dieu, c'est compliqué. Mais enfin, quoi est-ce que je vais me brosser, moi, maintenant, avec la brosse qui trempe? Eh bien, comble tout, prends la mienne, en plein une affaire. Et où est-elle, la tienne? Mais dans mon sac de voyage, vous dites quoi? Qu'est-ce que je sais, moi, peut-être dans le bain de pied? Dans le bain de pied. C'est spirituel, ça. Puis vous feriez mieux les saugettes de bouteille, au lieu de prendre tout le temps de partie de Gérard. Ah, c'était ton avis. Bah, raison de plus pour vous ranger du mien. Oh, bon, non, écoutez, puisque ça embête Gérard. Oh, Gérard, toujours Gérard, je m'en fiche, moi, que ça embête Gérard. C'est pas lui qui reste en plan au concert, si je sais pas. Moi, j'ai ma conscience professionnelle. Oui, allez, oui. Mon pied, allez, travaillons. Oui, enfin. C'est vrai, ça, toujours Gérard. Est-ce qu'il y connaît quelque chose, Gérard? J'en ai assez, moi, vous comprenez? Si chaque fois que je. En Amonique, en Alvadou, sicou sicou ça va, y'a le minette, aïe à bougie l'énal, trou trou, gigouli pampan, à val trempette, moravie dodo, atalie popo, trine de la boussie, limba ben, range à boussane, mirabir calem, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, troumali, troumala, ayakoulami, ayakoulami, ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki. Moya bon, troumali, troumala, kakali, kakala, zik-zik-zik-zik-zik. Idiot. Ah, ça saurait, ça chanson. Eh ben, tu la sauras, en plein beau malheur. De toute façon, l'entrée est toujours comme un polype. Impolite. Oh, non, tu entends ça, des Josette. Oh non, moi je viens de me faire ramasser, je n'entends plus rien. Bolide, on dit. On ne dit pas polype. Eh ben oui, bolide, bolide. Oh, quoi, la langue peut vous fourcher. Eh bien, parbleu, polype, c'est un nom d'homme. Polype, un nom d'homme, président. Non, disons des Josette. Vous rirez comme des imbéciles, là. Parce que qu'est-ce que tu veux encore, toi? La brosse. Quoi, la brosse? Dans ton sac, elle n'y est pas. Comment elle n'y est pas? Non, elle n'y est pas. C'est pas possible, c'est moi-même qui l'ai rangé. Bah, écoutez, voulez-vous que j'aille voir? Oui, mon ami, allez, parce que lui. Non, oh, si tu crois que tu seras plus mal avec moi, oh. C'est pas ça que je veux dire, Gérard. Allez, toujours, oui. Allez. Oh, non, tu sais, tu n'es pas fait pour vivre avec une artiste. Ah oui, là. Oui, l'artiste. Oh, c'est bien, tu me prends pas au sérieux. Comme on dit, on n'est jamais trop au fait dans ton pays. Oui, bon, on n'a jamais dit ça. Comment on n'a jamais dit ça? Non, on n'a jamais dit trop fait, on dit prophète. Oh, tu m'embêtes à me reprendre sur tout ce que je dis. T'as compris, n'est-ce pas? Eh bien, alors, c'est tout ce qu'il faut. Ah. En tout cas, je suis aussi artiste que toi. Si tu trouves ça joli, ce que tu fais. La peinture n'a pas à être jolie. Ah, autrefois, encore, c'était pas mal. Tu peignais comme tout le monde. Maintenant, c'est plus que des petits carrés à côté les uns des autres. Ben, naturellement, je suis parallélépipédiste. Oh, c'est pas de la peinture. Une école. Eh bien, tant mieux. En tout cas, tu peins comme tu veux et je ne te dis rien. Ben, fais-en autant. On travaille mon art. Oh, ton art. Ah, ce que je te préférais quand on s'est mis ensemble, quand tu étais une bonne fille sans prétention avec tes cheveux châtains, que tu as trouvé bon de teindre en filasse. Mais ben, on ne peut pas avoir du talent au concert si on n'est pas blonde. Quand on t'appelait Bichon tout simplement au lieu de Blanche de Jouy. Blanche de Jouy. Ben, quoi, c'est exprès? C'est pour qu'on en arrive peu à peu à dire l'étoile de Jouy. C'est très fort. C'est très fort. Quoi? Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ta brosse. Ah, tu l'as trouvé? Dans la rainure du fauteuil. Eh ben, tu vois quand on cherche. Ah oui. C'est quand je te disais que t'avais mis quelque part. Ah oui, ça c'est vrai. Elle y est. Ah, tu as de l'ordre. Ah, vous savez, j'ai bien regardé dans le sac, j'ai pas trouvé la brosse. Non, bah, tu aurais pu la chercher longtemps, la voilà. Vous l'avez trouvée? Naturellement. Dans le fauteuil. Dans le fauteuil. Bah oui, dans le fauteuil. Enfin quoi? Oui. Je vois plus rien, non? Ah, ben maintenant, c'est mon billet pour la générale. Où l'as-tu rangé? Il était sur la table. Dans le cabinet de toilette, sur la cheminée. Non, il n'y est pas, j'en sors. Du cabinet de toilette, il n'y a aucun papier sur la cheminée. Et tu l'auras fait tomber, c'est moi-même qui l'y ai mis. Oui, bah je ne sais pas, moi, va voir. Oh là là, même pas capable de. Oh, mais laissez-moi pas, faites-vous du tomber. Voilà, voilà. Ah, c'est le désordre. Oh, mon pauvre vieux, les femmes, hein. Ah oui, moi, ça, évidemment, ça a de bons moments, mais non, de Dieu. Ah, ils regardent nous en train, ben, est-ce qu'on se dit plus de jamais? Tu me bouscules, ben, je dis rien. On s'entend très bien. Madame. Tu es un ami, tu sais. Je sais, oui. Et tout ça parce que tu planques un coup d'épée. Oh, mon pauvre vieux Josette, ça me fait plus mal. Non, si moi, ce serait malheureux. Oh, je ne le regrette pas aujourd'hui. Aujourd'hui que t'es passé. Mais enfin, tout de même, sur le moment, j'étais bien embêté. Pourquoi? J'aime pas me battre. Une raison. Oh, l'idée d'être piqué. Rien que d'avoir à me faire vacciner. Tiens, j'aime mieux la petite vérole. Un bras faire de goût. Oui. Ah, ben, je savais bien qu'il était par là. Ah, tu as trouvé le billet? Mais naturellement. Ah, sur la cheminée? Enfin, dedans. Ah oui, dedans. Oui, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est le billet. Mon pardon est un peu abîmé. Oh, je crois. C'est parce que j'ai pas fait attention. On m'a fait service ce matin pour allumer ma lampe à friser. J'avais pas d'allumette. Charmant. C'est pas quoi? C'est aussi bon. Alors, tu veux que j'aille présenter ce détritus, ce bout de suie au contrôleur du Cap français? Et pourquoi pas? T'aurais qu'à leur expliquer qu'elle t'en allumant ta lampe pour te friser. Bon, non, mais je sors. Mais pourquoi non, moi? Eh ben, tu diras chez moi. Oh, mais qu'est-ce que ça se fait, ça? Oh, on fait pas une histoire de tout. Tiens, là, t'en pars dessus et ton cap. Il y a un pot de salade, je prends tout à l'heure. Un rayon de soleil, là. Oh, oh, non, là. Quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais attends, mais ton sale tableau, là, tu laisses ça comme ça, là, c'est pas sec, et naturellement, quand on parle. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais moi, je suis pourri plein la manche. Mais tu m'as raté mon tableau. Oh, regarde-moi ça, de quoi ça a l'air. Oh, bah, ça, c'est du solide. Oh, mon Dieu, oh, c'est agréable. Oh, ton tout neuf. Je m'en fous de ton corsage, il peut crever, ton corsage. C'est mon tableau. Je m'en fous, mais ton tableau, il peut crever. Un tableau que je vais finir, mais évidemment. Oh, c'est cette manie de peindre avec de l'huile, une chose qui sèche. Comme tu te peignes, avec du vinaigre? Non, mais avec de l'eau, pas quelque chose de propre qui sèche. Non, ce que c'est salissant d'avoir un peintre pour un nom. Non, mais bah, quitte-le, ton peintre, quitte-le, il ne te retient pas. Alors, voyons mes enfants. Oh, toi, tu fous la paix. Oui, allez me chercher ma matinée. Je vais chercher ma matinée. Si tu crois que je tiens à toi? Ben alors. Oh, Dieu merci, je ne serais pas embarrassée. Et j'en sais plus d'un. Eh bien, prends-le, c'est plus d'un, prends-le. Tu n'auras pas à me le répéter deux fois. Voilà la matinée. Merci. Tu n'auras pas à me le répéter deux fois. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais, Josette. Oh, mes enfants, voyons. Mais non, pas pour éterniser une situation dans laquelle il y a d'amour ni d'un côté ni de l'autre. Mais si, voyons, mais si. Mais non, comment se payer une mot? Je ne l'aime pas, il ne m'aime pas. Mais si. Oh, pardon, hein, là-dessus, rapportez-vous à mon expérience. Ouais. L'homme a ça au moins de loyal. Si c'est pas sa faute, c'est que quand il aime, tout part en lui. Eh bien, Gérard, as-tu l'entendre ces silences éloquents? Oh, disons le contraire. Mais non. Mais c'est pas à vous, je le demande. On n'a pas l'habitude de vous appeler dans ces moments-là. Tant pis, donne-lui des détails. Oh, pas besoin, il nous voit, il doit être fixé. Il faut bien savoir que si on s'est mis ensemble, ça n'a pas été précisément pour le grand amour. Ouais. Moi, c'est parce que j'avais vu une petite américaine qui avait le coup de foudre pour toi. Pour petite. Toi, c'est par dépit. C'est parce que ta femme mariée t'avait envoyé promener qu'elle préférait coucher avec des saugettes. Quoi? Ah, mais permettez. Oui, puis, d'abord, tu mens. Jamais des saugettes n'a ce que tu dis avec elle. Ah, ça, mais jamais. Non, ah. oui. Non. Alors, pourquoi lui as-tu donné un coup d'épée? Ben, comme ça, parce que je le connaissais pas. Ah, c'était pour entrer en relation. En tout cas, jamais, au grand jamais. Ah, oui. Mais tu n'as pas besoin de te défendre. Oh. Je connais assez la personne en question. C'est une honnête femme. Ah oui. Non, mais absolument. Oui, une femme de goût. Mais absolument. Ah, je dis donc, toi. Tu ne te prends pas du premier venu. Oh, mais dis donc. Oh, puis voilà, ce que tu attires à une honnête femme, toi, avec l'attitude que tu as prise avec elle. Oh non. Écoutez, lorsque la discussion va prendre cette tournure, moi je vais m'y m'en aller. Ah, mais maintenant, d'ici, je demande de rester. Oui, bien, quand vous aurez fini, vous m'appellerez. Mais je demande de voir mauvais caractère. Oh là là. Mais tu as raison. Tu as raison. Je suis bien bête. Ah, ça oui, on ne jamais vu. Oh, il y a longtemps que j'ai que quand t'as la mise vise dans un ménage. Ah oui, mais oh, mais. Gérard. Oui, quoi? Donne-moi la main. Oh, quoi? Ben. Si! Comme là, à nous dire des choses inutiles, blessantes, c'est stupide. Oh, ouais. Donne-moi la main. Oui. Et quittons-nous. Oh, voilà, oui. Quittons-nous, mais chic-moi en bons amis. Mmh. Comme deux êtres qui s'aiment bien, qui s'estiment, et qui peuvent pas se sentir. T'as raison, ça vaut mieux. D'ailleurs, tu sais, il n'est pas des scrupules, hein. Je suis pas en peine. C'est quelqu'un. Quoi? Oui, le fauteuil 49. C'est une job de 49. Un abonné du mercredi et du samedi à notre concert. Il ne manque pas une fois. Et il m'envoie des fleurs et des lettres brunes. Ah, mais c'est bon. C'était bien de garder de me dire ça, quoi. Hein? Bah, quoi bon, tant qu'on était ensemble. Un amant, c'est comme un mari, il y a des choses qu'on ne lui dit pas. Ayez donc confiance. Oh, mais j'ai pas trahi la tienne. Mmh. On a le sentiment de ce qu'on doit. Pas que j'en ai donné la preuve encore l'autre jour, quand le fauteuil 49 m'a envoyé cette admirable boucle d'oreille. Quoi? Solitaire, énorme, avec ce mot qui l'accompagnait. Si vous voulez avoir la paix, faites-moi signe de vous la porte. C'est culot. Possible, mais tu avoueras que c'était tentant. Et j'ai rien voulu savoir. J'ai fait dire qu'il n'y avait pas de réponse. Et de façon solitaire. Tu l'as renvoyé? Non, mais j'ai fait monter en bail. Oh. Voilà ce que j'ai fait pour toi. C'est trop beau. Voilà comme je suis, moi. Mais oui, et bien plus de sacrifice maintenant, tu es libre de retrouver le fauteuil 49. Va, va, oui, va. Oui, mais c'est pas difficile, mon petit. Mon téléphone est failli. Mais va donc, mais oui, mais te jette donc pas pour moi. Non, et puis ça sera pas long. tu téléphones d'ici au fauteuil 49? Mais j'ai pas besoin de lui dire de vous dire pas. Allô? Mademoiselle? Voulez-vous me donner le 606-22? 22. Les deux cocottes. Mon Dieu. Et 606 avant. La charrue avant les deux. Oh, c'est toi donc, papa. C'est le 606-22 qui est à l'appareil. Le 606-22 lui-même. Alors c'est le fauteuil 49. C'est mademoiselle Gauzy qui vous parle. Ce qu'il faut entendre. Que voulez-vous, ne vous troublez pas. Et venez tout de suite, je vous attends, c'est moi. 27 jours sans connerre. Quoi? Vous venez, bon. Oh non mais ça, tu es folle, tu le fais venir chez moi maintenant. Et c'est pas que chez toi. Mais ça m'est égal, tu te fiches de moi. N'accepte pas de jouer un rôle ridicule. Oh, mais voyons, puisqu'on se quitte. Mais c'est entendu, on se quitte. Mais que mon remplaçant vienne faire son collage dans mes meubles. Ah non. Non. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oui, bah, le 606-22. Ah, Gérard, voyons. Oui, mais laisse-moi. Oui, le 606-22. 606 et 22. Oh non, c'est ridicule ce que tu fais là. Mais ça m'est égal, allez. Allô, c'est le 606-22. Quoi? Ah, c'est sa femme. Mais tu laisses ça. Fous-moi la paix. Non, c'est pas à vous que je parle. Ah, vous êtes sa femme. Eh bien, vous direz à votre mari que c'est un polisson. Oui, et que l'amant de mademoiselle de Jouy lui envoie son pied quelque part. Oui, je vous présente mes hommages, madame. Mais tu laisses ça. Voilà. Et puis toi, bah, je viens me faire le plaisir de filer droit et que je ne t'entende plus. Non, mais hein? Tu lèves la main sur moi. C'est son vache. Non, mais dis, tu as fini de crier? Oh, ça va, non mais dis donc, c'est raquin. Gérard, est-ce que j'ai l'air d'un homme qui va les femmes? Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui va les femmes? Alors, madame, je permets de téléphoner d'ici, je ne sais quoi, un fauteuil 49, pour lui donner rendez-vous chez moi, et ça pour lui accorder ses faveurs. Va ouvrir, la petite madame, elle est congée au larbin. Oui, mais là-bas plus, hein. Je t'en donnerai, moi, des fauteuils 49. Tu me perds ça, tu sais, tu me perds ça. Oui, bon, t'as entendu. Cochon, va. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des fleurs. Oui, c'est ça. Fauteuil 49. Attends un peu, pour que je te dise par là. Mais non, voyons, c'est pour toi. Là, voilà, comme il en est, le tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour moi? Qu'est-ce qui peut m'envoyer les corbeilles de mariée? Je ne sais pas, le commis m'a dit, c'est pour monsieur Saint-Franquet. Il n'a pas dit de la part de qui? Il n'y a pas de cas? Non, il y a l'étiquette du fleuriste, Vaillant Roseau. Ça, par exemple, c'est bien ce bon coup, allez, pour tout à l'heure. Oh, elles sont jolies, c'est clair. Maintenant que c'est pour toi, tu les as plus par la tête, hein? Allons, voyons, dis donc. Dis donc, si tu partais pour ton théâtre français, hein? Mais pas, ton théâtre français. Ah, mais. Ah. Je reste ici, j'attends le... Le bottier? Hôtel 49. Le photo 49? Non, tu es monté quelque part quand il arrivera. Ah, bon, dis donc, toi. Alors, si tu m'as vu ce bon enfant qui va venir. Quoi? Tu crois que c'est naïve pour lui avoir téléphoné devant toi de t'amener ici? Alors qu'on ne se fait pas vivre. Allô. Si tu avais regardé, je flammais un puits sur le crochet et je parlais dans le vide. Histoire de te faire raser, pour te donner une leçon. Oui, tu me racontes ça maintenant. Mais après, c'est que quand tu as demandé le numéro, que j'avais censément demandé, avec qui as-tu été en communication? Avec une dame. Malheureuse même, parce que tu vas tout à l'envers avec ta sortie stupide. Comme c'est chic, tu as peut-être brisé le bonheur d'un ménage. Oh. Eh ben... Mais bah, tu as raison, je vais lui téléphoner. Ah non! Tu vois bien que tu me comptes des blagues. Bon, je te colle des blagues. Je suis sûr que tu viens me faire croire. C'est bien, reste, tu verras bien. Ça me sont capables d'un tel cynisme. Mais reste, dis, tu pratiques. Profite, tu m'embêtes! Resterai si je veux. C'est grave, ça. Faudrait peut-être que je manque la répétition générale pour faire plaisir à madame. Eh ben alors, va-t'en. Mais parfaitement, je m'en vais. Oh, tout souvent, je resterai ici pour te donner la joie de te payer ma tête. Tu crois que j'ai copié un instant ton histoire de téléphone? Tu vas que vous me faire marcher, mais c'est moi qui l'ai fait marcher. Ah, bon. On ne le fait pas à moi. Quant à toi, des sujets, tu n'as rien à faire, tu vas avoir la complaisance de passer chez le fleuriste pour savoir qui m'a envoyé ses fleurs tout à l'heure. Entendu. Ah, ça t'intrigue. Non, madame, non, mais j'aime savoir. Je ne veux pas qu'on me prenne pour une cancotte. Adieu. Et là, mon petit vaisseau jette, maintenant, vous allez faire le plaisir de vider le plancher, hein. Comment? J'attends quelqu'un, je n'ai pas besoin de vous. Vous attendez quelqu'un? Oui. Mais qui? Je vous dis quelqu'un que vous n'avez pas à connaître, entendu qu'il vient pour moi, et pas pour vous. Ah, mon Dieu, le photo 49. Comme vous êtes fort. Oh, bichon. Oh, c'est pas possible. Vous venez me dire vous-même que c'était pas vrai, que vous aviez fait semblant de téléphoner. Tiens, parbleu. Mais pourquoi alors avez-vous dit à Gérard? Mais pour qu'il s'en aille. Oh, Bichon, ça, je n'en crois rien. Oh non, ça vous n'auriez pas, là devant lui. Mais je fais toujours les choses devant les gens, moi. J'aime pas les cachotteries. Oh. C'est le meilleur moyen pour qu'il n'y croit pas. Vous êtes cynique. Ah, en attendant, le voici. Non, ça, je vais mieux m'en aller. Non, remarquez, mon ami, que c'est tout ce que je vous demande. Ah. Alors, mais attendez, je vais aller ouvrir. Oui. Alors, pendant ce temps-là, vous allez sortir par là en faisant tout, hein, c'est compris? Non, ça devant moi, me faire le complice. Entrez-nous, monsieur. Je suis heureux. Ma petite de jouer. Allons, monsieur. Oui, on en prie. Quand je pense que c'est cette petite femme-là que deux fois par semaine j'applaudis de mon fauteuil et que maintenant je suis là devant elle. Elle est là devant moi. Il est là, dis-le. Oui, mais sans rang, pas rien. Ma main touche la sienne. Quand vous m'avez téléphoné tout à l'heure, j'ai cru tomber de joie. Ma femme arrivait, j'ai lâché ma femme. Ah, vous êtes mariée? Je suis mariée, oui. Oh, ne vous excuse pas de ça. Je n'ai pas été long. J'ai pris mon chapeau, j'ai sauté dans une auto. Et me voilà. Ma petite de jouer. L'ami, mon ami. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui parle comme ça? C'est un camarade de mon conseil avec qui j'étais en train de répéter le pas. Alors, il n'y a pas que ça traîne. Attendez. Mais partez, moi. C'est pas de ramen? Il me semble avoir reconnu sa voix. Non, c'est pas de ramen. En tout cas, il nous a dit manger. Une conviction. Oui, c'est un gars qui va bien. Ah, voilà qui vient de s'en aller. Oui. Nous sommes dans le sol. Oui. Oh, je suis heureux. Je suis curieux, je voulais une chose qu'on connaît. Hein? La première fois que je vous ai remarqué, alors qu'est-ce que j'ai dit, je connais ça. Sûrement, j'aurais vu votre tête dans les journaux. Non, c'était probable. Quoi? Parce qu'on n'y a jamais mis. C'est drôle, on met tout le monde aujourd'hui dans les journaux. Pourtant, j'ai votre tête dans l'œil, ça. C'est sûr que vous avez un nom. Oh, non. Enfin, quoi, vous vous appelez pas seulement le fauteuil 49? Non. Alors, Antoine. Ah, oh, c'est gentil. Et toi? Ça ne suffit pas pour aujourd'hui? Ah, non, moi, je veux savoir à qui je parle. Il faut qu'on m'était présenté avant. Alors, votre nom. Eh ben... Voltaire, là. Ah, vous voyez bien, vous êtes quelqu'un de connu. C'est drôle. Moi aussi, j'ai la sensation que ce n'est pas la première fois que je vous vois. Ah? Aye. Ah bah, en tout cas, on n'a jamais été rien à l'un à l'autre. Hein. Oh non, parce que j'ai assez la même après ça. Non, pas. Non. Attendez. Vous n'avez pas une sœur qui vous ressemble en chantant et qui est dans la... Pas dans le théâtre. Pas dans le théâtre. Bah, il y a eu quoi avant de l'histoire? Ah, vous ressemblez à une petite femme qu'on appelait Bichon. Bichon, mais je la suis. Vous l'êtes. Vous, vous l'êtes. En plein. Bichon, c'est Bichon. Oh, c'est donc ça que vous lui ressemblez. Eh ben, il y a des chances. Oh, bah, si je m'attendais. Hein. Ça m'en laisse pas le théâtre. Hein. Ça change tellement une femme. Ça blondit. Bah, vous ne vous souvenez pas? Châtel-Sancy. Châtel-Sancy. Ah oui, Plantarède. Monsieur Plantarède. Non, le monsieur de la dame qui... Qui quoi? Qui rien. Ah. Oh ben, vous en avez opéré un changement de tête. Vous aviez des favoris. Et puis vous aviez une coiffure comme ça, là. Ah. Oh ben. Oh, alors maintenant, à la bonne heure, vous avez une tête. Oh, ça, c'est rigolo, alors. Oh, savez-vous de qui vous avez la tête? C'est bon, c'est ma femme qui a absolument voulu que je m'arrange comme ça. De Gérard de Saint-Franquet. Vous le connaissez? Bah, c'est mon amant. Hein? Vous êtes chez lui? Je suis chez lui. Il a eu pas vu que vous étiez chez un peintre. Oh non, d'un chien, mais c'est vrai. Oh mes enfants, oh là là, oh là là, oh là là. Non, mais par où est la sortie? Mais ne bougez donc pas, il était la répétition générale du français. Hein? Avec tout le temps. Ah, comment la générale du français? Mais c'est demain. Hein? Mais vous absolument. Mais j'y vais, ça a été retardé. Ferraudi est en présentation à Nantes. Oh bah, par exemple. Mais alors Gérard? Eh ben Gérard. Oh, oh. Oui, oh, oh là là, oh là là. Mais, vite, oh, là, là. La porte au fond, tournez à droite. Et puis la porte à droite. Oui, la porte à droite. C'est toi? C'est demain. Ah! Attends, porte à droite, porte à droite. À gauche? Non, à quoi? Quoi à droite, quoi à gauche? Oh! Oh! Qu'est-ce que vous demandez, monsieur? Vous n'auriez pas un tableau à vendre? Non. Oh, mais. Plantarède? Non! Comment non? Si. Non, c'est pas possible, Plantarède ici, c'est Plantarède. Oh, ce brave ami. Et ça va bien? Ouais, pas mal, merci. Ah, ça tente mieux que je craignais. Ah, ça par exemple, c'est ça qui est gentil d'être venu. Oh, vous faites trop bien notre brouille, hein, de vieux amis. Et pourquoi? Ah, ce cher Plantarède. Madame va bien? Madame, oui. Oui, elle va bien. Ah, je suis content. Mais ça, j'en prends encore mes yeux, ouais, Plantarède. C'est Plantarède. Oui. Bichon, c'est Plantarède. Mais tu parles si souvent. Mais. Ah, mais je ne vous ai pas présenté. Mon bon ami Plantarède, ma bonne amie Madame de Jouy. Ah oui, de Jouy. Ah. Mais je suis idiot, moi, sa présence ici, en mon absence à gauche, non à droite, lui détalant et s'affolant. Oh! Quoi? Quoi? On fait 49! Oh là là! De quoi? Oh, c'est vous le fauteuil 49. Votre derrière. Attention à votre derrière. Hein? Oui, attention, voyez, il a dit qu'il le botterait. Hein? Non, mais n'ayez crainte, je l'ai fait si quand le derrière était anonyme. Mais maintenant que je sais à qui il a l'honneur d'appartenir, il m'est sacré le derrière d'un vieil ami comme vous. Oh, la bonne heure. Mais comment, je suis trop heureux. C'est un concours de circonstances qui me vaut la peine de vous rencontrer chez moi. Mais la peine est partagée, croyez-le bien. C'est mon cher Plantarède. Ce cher Saint-Franquet. Oh, non, mais nous en prions. Embrassez-vous. Avec toi, c'est sûr. Moi qui avais le trac du choc. Et alors comme ça, mon Plantarède, vous venez ici dans l'intention de me faire copier. Non, je vous déprenais pas. Oui, on fait toute la vie, ça, aujourd'hui, vous, demain, moi. Oh. Il y aura des hommes et des femmes. Oui, tout de même, vous croyez bien que si je suis ici, c'est que j'ignorais. Que vous me trouveriez. Oui. c'était vous qui... je ne savais pas qu'il y eut un amant. Eh bien non, mon ami, réjouissez-vous, il n'y en a plus d'amant. Non. Plantarède, vous allez pouvoir chercher la seconde boucle d'oreille. La seconde... Quelle seconde boucle d'oreille? Celle qui complète la paire. Il n'a pas de mémoire comme là. Bichon, fais voir à monsieur la boucle d'oreille à ton doigt. Vous la reconnaissez bien, voyons. Si vous voulez avoir la paire, c'est un signe d'accord. Ah oui, oui, là, oui, oui. Vous avez raconté ça, Gérard, ça avait fait rire. Du bout des lèvres. Oui. Eh bien, voilà mon bon. Vous tombez à pic, la place est libre. Je suis trop heureux de vous la céder. À moi. Ah, tout de même, trop heureux. Oui, trop heureux. Je ne suis pas un égoïste. Moi, on se quitte. Je ne peux pas avoir la prétention que ma Bichon n'aura plus jamais personne. Ça serait contraire à cette définition. Où es-tu ça? Allez, Plantarède, j'ai qu'une parole. Bichon est vacante. Je vous la donne. Oh, non, ça, Franck. Mais tu m'embêtes à la fin. Je vous la donne. Enfin, si tu veux me donner, tu vas bien le faire sans toi, si tu veux me donner. Non, mais ça, je sais. C'est vrai, t'as un tonton, on dirait que c'est toi qui me plaque. Non. Oui, je te prie de le dire à monsieur. Je ne suis pas une femme qu'on plaque. Moi qui plaque. Bon. Ta parole, t'as l'air de me coller là. Allez-y, prenez donc, les cochons, on a voulu appeler. Tiens, enfin, dis donc, mais toi. Non, mais j'ai l'air de quoi, moi, d'aller, c'est pour compte, d'un seul. comme c'est alléchant pour le client. Eh bien, mais je reconnais que c'est toi qui me plaques là, je le reconnais. Ah. Allez, mes enfants, soyez à vous, je vous donne. Oh, tu m'agaces, là, fini. Non, non, voyons, c'est un Franck à vous plaisanter. Ah, pas du tout, je m'en sers. Oh, Franck, Ils ont bourré d'envie. Mais non. Oh, pas du tout, mon petit vieux, là. Hein. Non, je veux dire, ben, évidemment. Je ne voulais pas vous faire prier. Non, écoutez, vous me mettez dans une situation. Non, mais vous me désobligez. Non, vraiment, alors, c'est sincère. Je m'en voudrais pas. Oui, non. Non. Mais alors, quoi, ouais, je veux bien essayer. Ah, non. Ici, ému. Oh, bon gros. Il convient de me dire à votre que je suis une nature jalouse. Oh. Ah, on a sonné. Oui. Oui. Non, mais n'y rendez pas d'ouvrir. Ah. Alors, on est ensemble. Ça a l'air. Je suis bien content. Dites alors. Et ouais. Vous avez toujours la seconde boucle d'oreille. Oh, oui. Pour me la donner, hein. Mais d'abord. Les enfants, foutez le camp. Comment? Un moment, passez à côté, j'ai quelqu'un à recevoir. C'est ça. Rien, ma soeur. Pour la porte. Oui, ça ne fait rien. Ah bon, bah, alors. Mademoiselle Dotty, entrez. Oh, oui, je comprends cette chose. Mais vous avez me reconnu, vous m'avez pas oublié. C'est ça la chose qui est gentille. Oh, mademoiselle, quand on a une fois le plaisir de... Moi, j'ai toujours pensé à vous. N'est-ce pas, Tommy? Yes. C'est mon fiancé. Oui. Vous reconnaissez lui? Oh. All right. Qu'est-ce que c'est, ça? Salon? Ah non, Miss Dotty, c'est la chambre à coucher. Well, vous permettez. Ah non, oh, mais n'y allez pas, mademoiselle, la chambre n'est pas faite. Oh, c'est égal. Non, je vous en prie. Oh, please, your pardon. Et là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est le cabinet de toilette. Terminé? Comment? Il est fait. Ah, il est fait. Quoi? Tommy? Mais Dotty? Comptez-moi dans le cabinet de toilette. Moi, pourquoi? Parce que j'ai dit. Oh. J'ai pas besoin de vous. Go! All right, Dotty. Toujours demander pourquoi, mais parce que j'ai dit. Et maintenant, vous, prendez une chaise. Là, pour vous. Prendez une chaise. Ah, bah, prendons ensemble, alors, si vous voulez. Vous avez reçu mon corbeil? Votre corbeil... Comment c'était-vous? C'était... Oh, une corbeil de vous à moi. Je suis fou, je m'en allonge. Mais pourquoi, quel type? Monsieur Gérard, voulez-vous marier moi? Avec qui? Avec vous. Hein? Avec... Pardon, par exemple, celle. Quoi, vous voulez pas? Vous disiez non? Je vous plais pas? Si. Oh, merci. Non, je veux dire, certainement, je... Flatté, je dirais même profondément ému par tenter une proposition tellement. Mais vous devez comprendre aussi, n'est-ce pas, que je sois un peu abasourdi. Quand on la fait positivement envisager dans ses proches. Yes. Ça nous fait un peu l'effet d'un homme à qui on viendrait dire qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien, eh bien, venons un peu faire le tour du monde. On a fait même un moment d'éblouissement, alors on demande à réfléchir. Oh, je comprends, les prenez tout le temps, riche, let me say. Oui, n'est-ce pas? Je vous donne 5 minutes. Oui. Mais oui. Vous réfléchissez? Oui. Qui vous fait rire? Bien, c'est toi. Cette toile, oui. C'est de moi. Oh, ça me tenait. Ah. Vous ne trouvez pas? Ben... Très laid, on vous l'a jamais dit? Non. Oh, vous voyez peu de monde. Ben... Mais ça ne fait rien, c'est laid, mais j'aime tout de même. Ah, à la bonne heure, vous avez senti malgré tout l'harmonie de la composition, le sentiment non. De la couleur, non? Ça m'est égal. Ah. J'aime parce que c'est pas vous. Ah, très heureux. Et alors, vous restez plus? Si je... Pour marier moi. Ah oui. Quelle chose avez-vous décidé? Écoutez, vous me troublez beaucoup. Il est si peu dans les usages que ce soit la jeune fille qui vienne demander la main. Oui, de... je sais. Ici, la demoiselle en France, il a trouvé un monsieur qui lui convient. Il faut qu'elle attende que le monsieur elle demande la main d'elle. Eh oui, évidemment. Oui, très joli. Et si le monsieur ne demande pas? La demoiselle est de chocolat. Ah. Merci bien. Eh bien, moi, je ne veux pas être au chocolat. Je trouve un homme qui m'est confortable, alors je lui dis, monsieur, voulez-vous me donner la main de vous? Et voilà. Mais évidemment, mademoiselle, si je n'écoutais que mon égoïsme, c'est délicieux. Oui, je sais. Mais je dois songer à... En ce moment, vous suivez une impulsion de votre cœur, mais qui vous dit que plus tard, vous ne regretterez pas. Ce que je fais, jamais je regrette. Vous ne me connaissez pas. Eh bien, comme ça, je connais tout. Ça, vous avez 18 ans. Et demi. Et moi, j'en ai 36. 36, oh, comme c'est jeune. Vous pouvez. Ah, c'est toi, jeune homme, mais tu es encore presque un enfant. Un enfant. Un enfant qui pourrait être son père. Et c'est tout? C'est tout quoi? Les objections. Ah non, il y en a une la plus grande de toutes. Vous êtes trop riche. Ah oui, ça, j'attendais. Et c'est pour ça que vous n'auriez pas demandé la main de moi. Évidemment. Ah, là, vous voyez bien que la jeune fille, il doit demander la main du jeune homme. Sans ça, elle n'a plus pour marier que les jeunes gens qui veulent marier elle pour son argent. C'est certain, mais tout de même, pour moi, vous êtes trop riche. Écoutez, on peut arranger ces choses-là. ces pictures. Mm. Ça se vend? Tout de même, on achète, hein? Mon Dieu, oui. On ne se bat pas, mais enfin... Enfin, voilà, je vous achète. Mais... Pictures, yes, 100,000 francs. Le tout? No, chaque. Hein? Oh, je vous volerai. Eh bien, vous me volerez. Qu'est-ce que ça fait, puisque je suis votre femme? Et alors, c'est vous qui l'êtes le riche, c'est moi que j'ai mes ruines. Vous êtes exquis, vous êtes adorable. Yes, je sais. Alors, je vous plais. Mais certainement, vous me plaisez. Comment ne me plairiez-vous pas? Alors, dites-moi que vous m'aimez. Eh bien, oui, Miss Doty, oui, je vous aime. Êtes-vous content? Non, dites-moi mieux, beaucoup. Doty, I love you. En français, c'est si plus joli. Je vous aime. Je vous aime, ma petite Doty, je vous aime. Là, là, là, comme je aime quand vous parlez. Allez, allez, allez. Non, restez à genoux. Je aime. What is it? Vous m'avez pas oublié. No, wait, wait, go away. Oh, pardon. Mon cher aimé. Ma petite femme, car c'est entendu. Oui, oui, c'est vous qui serez ma petite femme. Yes, yes. Gérard. Oh, pardon, j'avais oublié. Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Vous dérangez pas? Ne vous dérangez pas. C'est sa soeur. Mademoiselle Pichon, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. La maîtresse à vous. Ma maîtresse. Oh non, non, non, non. Oh, vous pouvez dire. Très gentille, beaucoup chic. Ah, vous trouvez? Oui, je vous félicite. Il faudra la mettre à la porte quand nous serons mariés. Ah ah. Oui, je préfère. C'est entendu, je lui écrirai. On ne s'est pas pressé ce soir. Ah, ce soir, oui, oui. Goodbye. Quoi, vous partez? Oui, nous avons dit tout. J'ai des courses encore. Il faut que je passe chez ma cordonnière. Ah, ça alors. Vous m'aimez, oui. Oh, si je vous aime. Well, je suis contente. Alors, je vais chez le cordonnier. Embrassez-moi. Faut qu'il me fasse une paire de bottines. Allez, allez, puisque nous sommes engagés. Ma chère fiancée. C'est par là, oui? Oui. Oh, pardon. Vous avez oublié quelque chose? Yes, ma fiancée. Ah, c'est vrai, le pauvre garçon. Come along, Tommy, it's finished. All right, it's not too soon. Ah, si vous avez besoin de moi, je suis Hotel Majestic. Parfait, parfait. Goodbye, my love. No. Goodbye, ma love. J'espère que nous n'avons pas été trop longs. Look here, you just mind your own business and leave the little girl alone. Or you will have to do with me, you understand? Trop aimable. Goodbye. Les trois coups que vous venez d'entendre n'ont plus aucun rapport avec le théâtre. Ou plutôt, ils annoncent un lever de rideau gigantesque sur un autre théâtre, le théâtre du monde, le théâtre de la guerre, celui que pendant 4 ans, on appellera le théâtre des opérations. Notre voyage à travers les spectacles d'un temps heureux est terminé. La radiodiffusion française vient de vous présenter, dans une production de Léon Ruth à bureau fermé, le plus grand succès de l'année 1914, Je ne trompe pas mon mari, de Georges Feydeau et René Péter. Nous vous rappelons que vous avez entendu dans le rôle de Saint-Franquet Daniel Lecourtois de la Comédie Française, Plantarède Jean Meyer, sociétaire de la Comédie Française, Dessaugette Jacques Charon, sociétaire de la Comédie Française, Tommy Jean-Claudio, le gérant André Certes, Giclefort Robert Moore, le garçon Charles Lavial, le chasseur Antoine Marin, un voyageur Roger Bontemps. Dans le rôle de Bichon, vous avez entendu Jeanne Marquen. Micheline était Yvonne Godot de la Comédie Française, Doty Barbara Lage, Madame Giclefort Marcel Duval, Sophie Simone Gauthier, la joueuse de tennis Jeanne Saint-Bonnet. La chanson à grâche du deuxième acte est d'Albert Chantrier. Bruitage Pierre Léonin, prise de son Gaston Guénèze, assisté de Jean Jouve et de Guy Nolibé. Réalisation de Léon.